Bonsoir et bienvenue à On Décompile. Ce soir, je reçois dans le studio Maison un passionné, un historien, l'historien de Berlin. Quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de Berlin, probablement le meilleur dans toute la francophonie pour nous parler de l'histoire de cette ville. Et récemment, eh bien, on était dans une petite balade en vélo, puisque nous sommes également amis dans la vie. Et il m'a expliqué l'histoire du mur de Berlin. J'ai dit « Colin, il va falloir qu'on fasse un podcast avec ça ». Vous l'avez reconnu, DTZB, sur Twitter, si vous voulez le suivre, Jonathan Gagnon. Parle un peu dans le micro présent. Salut tout le monde. Yes. Écoute, ça fait longtemps que je voulais faire un podcast avec toi. Parce que on décompile, on parle d'informatique, de plein d'affaires, mais de plus en plus, j'aime s'ouvrir sur d'autres trucs. Et aujourd'hui, on parle du mur de Berlin. Et c'est un sujet, ma foi, que tu connais bien et que tu vas nous... Moi, je vous avertis, guys, les auditeurs et tout, c'est plus Joe qui va avoir... Moi, je vais guider tranquillement. Mais en fait, commençons par le début. Toi, t'es passionné de Berlin depuis tout le temps. Depuis toujours. Ça a commencé... En fait, parle-nous un peu comment t'as commencé à parler... Parce que tu parles allemand. Ça vient de où? Ça vient de l'abbé, je te dirais. Non, mais blague à part. Moi, j'ai appris à lire dans les journaux. Moi, j'étais un enfant très, très curieux. Puis, je demandais comme à mon grand-père de me lire le journal pendant qu'il roulait ses cigarettes. Tu sais, c'était comme mon trip d'enfance. J'ai toujours écouté les nouvelles. Tu roulais ses cigarettes pendant qu'il... Non, c'est lui qui le faisait. Okay. Mais j'ai toujours trippé sur les nouvelles. Puis, tu sais, le mur de Berlin, c'est j'ai 5 ans. Puis, j'étais comme, pourquoi un mur dans une ville? Tu sais, puis là, ben... Mes parents, ils font comme un Joe. Tu sais que quand on ne sait pas quelque chose, on prend un livre puis on l'apprend. Fait que c'est là que j'ai commencé à lire là-dessus. Puis ça a vraiment déclenché chez moi, non seulement un grand amour de l'Allemagne, mais non seulement un grand amour de l'Allemagne, mais genre de la connaissance. C'est ça qui m'a rendu un geek un peu, finalement. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, moi, j'avais des crushs sur des pays. Fait que j'allais à la bibliothèque municipale, puis il y avait toute une rangée, mettons, de livres sur la Pologne. Ben, pendant 6-7 mois, j'y lisais toutes. Fait que même j'avais 11 ans, on s'en foutait. Tu sais, c'était mon gros trip. Mais Berlin est un amour qui a toujours resté. Et qu'est-ce qui fait que cette ville, en fait, commençons l'histoire? Bon, parce que la dernière fois qu'on a parlé de ça, on a starté comme... En fait, c'est quoi, selon toi, le meilleur moment? Je te pose la question bien naïvement, parce que c'est sûr que tu m'as tellement parlé de Berlin, puis moi, veux pas, bon, avant qu'on se connaisse, Berlin, dans ma tête, était une place que je pense que j'allais aimer vivre. Là, finalement, plus qu'on a parlé, j'étais comme, moi, pas tant. Mais j'avais amené même regarder pour des jobs là-bas. Bon, ceci étant dit, c'est quoi le Mettons fin Deuxième Guerre mondiale, là, c'est quoi l'année? À quel moment, vraiment, on se met à regarder que... l'histoire du mur, entre guillemets, commence. Tu n'es pas obligé de partir de la... Excusez-nous, il y a du... OK, c'est correct. Oui, il y a une mobilette. On est dans un quartier chaud, hein? Chaud, animé. Ouais, en tout cas, mes voisins, je ne sais pas s'il y avait une fête ou quelque chose, ils ont joué du tam-tam toute la journée, bref. À quel moment, mettons, quelle année, tu dirais, post-Deuxième Guerre mondiale, que tu peux commencer à nous raconter les débuts, le compte? C'est dès la fin, en fait. Faut savoir, mais en fait, c'est avant même que la guerre soit finie. C'est-à-dire que, Antoine, faut savoir que si tu remontes avant ça un peu, OK? Quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale en 1918, les Alliés ont choisi de la punir assez sévèrement, mais ils n'ont pas vraiment enforced. Tu peux parler en anglais, ils n'ont pas vraiment. T'sais, avec le temps, ils ont vraiment laissé l'Allemagne faire, même si le traité de Versailles avait des réparations de guerre qui étaient très, très, très, très sévères au début. Force est d'admettre que après le milieu des années 20, c'est plus vraiment tenu. Puis ça l'a fait en sorte que, bon, éventuellement, ça a donné lieu au nazisme, là, parce que l'Allemagne s'est réarmée, a quitté la Société des Nations. Donc vraiment, comme le régime nazi s'est installé. Et donc, pour éviter de répéter cette erreur-là une deuxième fois dans le siècle, les alliés, notamment Churchill, Roosevelt et Staline, eux, ils vont décider dans leurs conférences qu'ils ont tenues, notamment Téhéran, Québec, Non, Staline n'était pas venu à Québec, c'était De Gaulle, mais il y a eu Yalta, il y a eu Téhéran. Donc vraiment, dans toute cette série de conférences-là, Potsdam à la fin. OK. Une. Mettons, là, t'es à 30 km heure. Mettons, on commence à 10. On va se... Traité de Versailles. OK, là, je suis pas... Écoutez, moi, j'ai pas peur de le dire. Je peux vous parler d'informatique bien longtemps. Quand on se met à parler d'histoire et tout, je vais être franc avec vous, j'ai pas beaucoup de connaissances générales. Fait que, un peu, mais en tout cas, c'est pour ça que j'invite du monde qui sont plus passionnants pour en parler. Fait que, là, t'as nommé le traité de Versailles. Là, on est après la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça, parce oui. que de ce qui est important que tu m'as déjà expliqué, c'est qu'il y a un buffer entre la Première et la Deuxième, que déjà, il y a une kind of a tension entre l'Est et l'Ouest de Berlin. Non. C'est l'Allemagne versus les vainqueurs. Donc, la vaincue versus les vainqueurs, notamment la France et l'Angleterre. En fait, c'est que dans les années 20, la France va même aller jusqu'à occuper la Ruhr pour se payer. Parce qu'en fait, ce que les Alliés exigent après la Première Guerre mondiale, c'est des paiements de réparation qui vont ruiner l'Allemagne. Ça va créer une grosse inflation. Puis si tu veux résumer, en fait, c'est une des causes... Il y a eu beaucoup, beaucoup de misère en Allemagne dans les années 20. Et c'est la petite reprise qu'il va avoir, la Grande Dépression va totalement l'éliminer. Ce qui fait que, si tu veux faire un résumé court, ça crée les braises pour qu'un parti... Parce que parallèlement à ça, tu as énormément d'instabilité politique, parce que l'Allemagne n'a jamais connu de démocratie avant 1918. Donc, à ce moment-là, tu arrives dans un momentum où est-ce que on se tourne vers ce petit parti d'abord inconnu, mené par un Autrichien moustachu qui parle étrange, qui parle bizarre, et bon... Ça va devenir le nazisme, évidemment, et bon, et donc... Church. Mais comment c'est devenu... Ça, c'est un autre... un autre... Revenons-en. Fait que t'as les pays que... C'est que, dans le fond, l'Allemagne a perdu, fait que les pays qui leur demandent de payer, mettons, France, Angleterre, ils font comment, pourquoi, quel est le... En fait, ils exigent des réparations de guerre, c'est souvent sous la forme de commerce... sous des conditions défavorables à l'Allemagne. C'est aussi sous des paiements que l'Allemagne a. On empêche aussi l'Allemagne de se réarmer. Si je me rappelle bien, on avait limité l'Allemagne allemande à 100 000 soldats. Lorsque l'Allemagne ne peut pas payer, la France va envoyer des troupes dans la région de la Ruhr, qui est en Rhénanie. Donc, ça, c'est la région de Cologne, Bonn, Düsseldorf, ces gens-là. Donc, parce que comme ça, ben, la France va contrôler le commerce du charbon, donc va se payer à même ces mines-là. Et revenons-en au monsieur moustachu. Ça prend forme comment? Aujourd'hui, on regarde ça, on est comme « no way ». C'est impossible qu'un gars comme... Ou qu'un parti... Ou du moins, c'est impossible de penser qu'il y a... Tu sais, la question souvent que les gens se demandent, c'est comment ce gars-là a fait pour être élu, tu sais, ou comment il s'est rendu là, tu sais. Fait que toi, tu me dis que c'est... fait qu'il y a clairement une pression du reste de l'Europe sur l'Allemagne. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que de la perspective des nationalistes allemands, le pays avait été humilié à Versailles. Non seulement en ayant perdu des territoires, mais aussi en devenant un peu sous l'emprise des alliés, des vainqueurs. À ce moment-là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'Allemands qui voyaient ça comme étant un coup de poignard, comme étant une humiliation. Donc, il fallait trouver un moyen pour venger cette situation-là. Et c'était très présent dans les milieux conservateurs qui étaient apparentés au tsar, au kaiser, à l'empereur, parce que dans la foulée de la défaite de 1918, l'Allemagne était devenue une république. Auto sur elle-même, ce genre. Oui, oui, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une famille impériale, il y avait un empereur. L'Allemagne, c'est un pays qui s'est unifié sous le pas le parapluie, mais bon, la Prusse, qui est un des grands États. Je pense que les gens qui s'y connaissent beaucoup plus ça, dans les Simpsons, quand M. Burns veut envoyer une lettre en Prusse, dans un épisode dans un bureau de poste. Mais, blague à part, En 1871, l'Allemagne s'est unifiée et la famille impériale, c'est l'empereur Guillaume II, en fait. L'empereur Guillaume II, il doit abdiquer le 9 novembre 1918, deux jours avant que l'Allemagne capitule. À Berlin, il y a deux camps qui prononcent une république. Il y a Friedrich Ebert qui sort d'une fenêtre du Reichstag et qui déclare l'Allemagne comme étant une république. Et puis, il y a plus loin, sur la même rue, ou presque sur Unter den Linden, devant le palais, il y a Karl Liebknecht qui, lui, voulait faire une révolution communiste. Sous le modèle que Lénine avait fait en Russie en 1918, donc c'était donc l'année d'avant. Ça survient. Finalement, c'est les sociodémocrates qui ont gagné. L'Allemagne est devenue une démocratie. Un pays sous l'emprise généralement des conservateurs. En 1918. Et là, ça, c'est le régime politique qu'on appelle la République de Weimar. Parce que Berlin était sous l'emprise de combats de rue, il y avait beaucoup d'instabilité. Donc, on raconte que la classe politique s'est réunie dans une ville plus tranquille, la ville de Weimar, qui est près d'Erfurt, donc en Thuringe, qui sera plus tard l'Allemagne de l'Est. Géographie, ça en fait juste être un peu pour... on s'entend que c'est un podcast qui est audio, fait que les gens, mettons, puis ça, c'est un... Ça, j'ai comme le feeling que ça va être un long épisode. Alors, juste pour un peu placer en Europe l'Allemagne, c'est quoi les pays limitrophes qui partagent? L'Allemagne, c'est entre la France et la Pologne, donc nord et est. Ensuite, bien sûr, vous avez Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, si on suit le côté ouest. Le Danemark est au-dessus. Ça, vous avez la République tchèque qui est en... Puis en dessous, vous avez l'Autriche et la Suisse. Et pour ceux qui auraient beaucoup d'images, l'Europe, ça, c'est situé l'autre côté de l'océan. Non, mais c'était juste, je trouvais ça quand même important de, tu sais, blague à part, de, tu sais, juste remettre un peu, parce que j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de, tu sais, de tel pays est là, tu sais, juste dessiner un peu une image mentale de la carte de l'Europe. Et là, donc, 1918 commence, entre guillemets, cette nouvelle, on pourrait appeler quasiment une nouvelle démocratie. OK. Puis c'est vraiment à quel... revenons-en. Le monsieur moustachu du nom de Adolf Hitler, à quel moment est-ce que lui commence? En fait, qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et l'espèce de... Comment est-ce qu'il devient au pouvoir? C'est-à-dire que l'Allemagne est extrêmement instable politiquement. OK? Là, il y a un peu de dossier. Le système de la République de Weimar était très volatile, notamment parce que c'est un système proportionnel intégral, où est-ce que c'est très difficile de remporter des élections pour former une majorité au Parlement. Il y a aussi que vous avez, à l'extrême gauche, vous avez des communistes qui espèrent faire la révolution, et vous avez à l'extrême droite des conservateurs qui rejettent ce qui s'est passé en 1918 et qui sont très revanchistes de la défaite de 1918. Conservateur, mais sauté, là. C'est conservateur, ouais. On n'est pas moins d'impôts, là. On n'est pas dans le moins d'impôts, non. On est dans le nombre de soldats qu'on veut, là. Parallèlement à ça, de une monnaie, à cause des réparations de guerre, la monnaie allemande est extrêmement faible. Et quelle est cette monnaie? C'est le Reichsmark. Le Reichsmark. Et littéralement, les gens, ça prend une valise d'argent pour acheter un pain. C'est vraiment comme... il faudra avoir une réforme monétaire dans les années 20. On associe beaucoup le début des années 20 aux années folles de Berlin. On parlait, par exemple, des sans que ce soit reconnu formellement par la loi, Berlin, par exemple, était un haut lieu de la culture homosexuelle, qui était quelque chose comme unique dans le monde. On avait beaucoup d'artistes qui venaient à Berlin. C'était les années du swing, du jazz, tout ça. Donc, on avait en vraiment... En 1920. Oui, c'est ça. Dans les débuts des années 20. Tu peux quasiment dire que les gens faisaient le party parce qu'il ne fallait pas penser aux difficultés du quotidien, notamment avec l'argent qui avait pas beaucoup d'argent. Lorsque il y aura une certaine stabilisation de l'économie dans la deuxième moitié des années 20, mais le crash de 1929 vient anéantir tout ça. et l'Allemagne devient très rapidement un des pays les plus affectés par la Grande Dépression. Et qui dit des Grandes Dépressions dit chômage, donc le chômage de masse crée de l'instabilité politique et crée évidemment un appel, un intérêt marqué pour les extrêmes. Donc d'un côté les communistes qui prétendent qu'en faisant la révolution communiste, il n'y aurait pas de problème parce que le problème c'est l'économie de marché. Les nazis n'ont pas un discours économique très différent des communistes, mais sont à l'opposé en étant très nationalistes. Hitler, lui, il est connu surtout depuis 1923 quand il écrit Mein Kampf pendant qu'il était en prison. Pourquoi il est allé en prison? Ça, c'est une affaire aussi. C'est que le 9 novembre 1923, il a tenté de prendre le pouvoir en Bavière dans ce qui va s'appeler le putsch de la brasserie. C'est-à-dire? Il s'est présenté dans une... Là, j'y vais par cœur. Pas de stress, Joe. Il y avait une assemblée politique et il s'est présenté là en disant qu'il voulait prendre le pouvoir. C'est une tentative de coup d'État, finalement. Dans une brasserie, genre une brasserie de la bière? Oui. The Beer Hall Putsch, en anglais, ça s'appelle ça comme ça. OK, écoute, j'étais pas au courant. Et pendant qu'il était en prison, il écrit son livre Mein Kampf. Ouais, mais il est allé en prison parce qu'il se présente dans... c'est très important, là, on refait l'histoire, vous... Écoutez, j'ai fouillé les documents, il y en a pas. C'est le seul podcast qui va aller aussi creux que ça. Mais, fait qu'il se présente pour dire, OK, ben là, je veux prendre le pouvoir, mais dans une brasserie, dans le sens, c'est comment est-ce que... Mettons, j'arrive au bar à soir, je veux devenir Monsieur Legault, salut, là. Tu sais, je vais pas finir en prison. Qu'est-ce que c'était quoi? Pourquoi? Il y avait des armes, il y avait quelque chose? Ou c'était... Mais c'est-à-dire qu'il était en train de... Ça se passe à Munich, OK? Le Parti nazi avait déjà sa branche armée, les SA, OK? Puis il y avait quand même il faisait quand même beaucoup de... Puis on se basait beaucoup sur qu'est-ce que Mussolini faisait en Italie, parce qu'en Italie 1922, Mussolini, qui est les fascistes, il a fait de la marche sur Rome, où est-ce que les chemises noires ont marché sur Rome, et le roi Vittorio Emanuele, impressionné entre guillemets, lui a donné le pouvoir. Ben lui, il pense que en faisant ça dans le centre-ville de Munich, on va lui donner des clés du gouvernement. Alors c'est pas ça qui arrive du tout, et il y a beaucoup de gens qui ont été... Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, notamment Hitler. Et Hitler a été arrêté. Quand il est en prison, il écrit Mein Kampf, son livre, donc Mon Combat, qui est son testament politique. Mais c'est là qu'il écrit plein de tout ça. Là. C'est un livre qui je n'ai jamais lu. Donc, C'est-tu illégal d'avoir... C'est quoi l'état de Mein Kampf? Au Canada, je pense qu'on... Non, le Canada n'a pas ce genre de loi pour interdire des contenus comme ça. Donc, on peut le lire comme il faut. En Allemagne, c'était illégal pendant très longtemps. Et on ne peut pas le lire sans... On ne peut que lire une version, pas censurée, mais une version annotée de la part d'experts pour une remise en contexte. Tu sais, comme tu arriverais là-bas avec une version canadienne de Mein Kampf, tu serais pas en règle, disons, tu sais. Même encore aujourd'hui. Même aujourd'hui. Moi, j'ai jamais... Mais mettons, qu'est-ce qui... Parce que là, on est... c'est un point que je trouve intéressant, que je m'étais jamais aventuré. Mein Kampf a été écrit quand il était en prison. Mais... Quand... J'essaie juste de... C'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme facile, après coup, tu sais, de réanalyser ça, de dire... Parce qu'on a ce qui s'est passé après, mais il y avait un sex appeal politique, mais le monde à Berlin, il aimait ça, oui, ces oui, gens. Oui. C'est-à-dire que ce genre d'idée-là, en fait. Pas nécessaire. Non, en fait, au début, les nazis étaient surtout populaires en Bavière, parce que faut savoir que l'Allemagne, c'est plusieurs sociétés, même aujourd'hui, c'est plusieurs sociétés ensemble, comme un peu on connaît là, ici, avec la Bavière, c'est un peu le Québec de l'Allemagne, dans le sens que c'est une culture qui se prétend très très différente. Il y a beaucoup de différences régionales entre les régions d'Allemagne. À l'époque, il y avait une certaine opposition entre la Prusse dans le nord, les protestants, avec le sud, la Bavière. Et c'était vraiment, et c'est par la Bavière que les nazis... D'ailleurs, la base des nazis, c'est Munich, ce n'est pas Berlin. Berlin était une ville où est-ce qu'on votait communiste, beaucoup. Et ça a pris du temps au régime de s'installer dans la capitale, de prendre une emprise dans la capitale, en fait. Mais c'est sûr que sans Berlin, il n'y avait pas de capacité vraiment de prendre le pouvoir. Donc, mais c'est pas la base des nazis, c'est la Bavière. Et là, on est milieu des années 20. Et que finalement, je pense qu'on va juste parler du mur de Berlin. Et finalement, il va en avoir un petit peu. Peut-être que finalement, ça va être une série d'épisodes, tu sais, parce que là, parti comme c'est là, on est. Mais c'est, moi, je trouve ça passionnant, là. Je comprends pas pourquoi on est, en tout cas, au secondaire, au cégep. Puis, il faut dire, j'ai pas eu un cursus académique très, sciences, histoire sociale, tu sais, en informatique, maths, c'est peut-être un petit peu plus des cours. Mais ça m'intéresse vraiment. Puis j'étais comme, mais pourquoi donc? Est-ce que tu penses... En tout cas, il y a comme un talent de compteur qu'on dirait que les... Je vais te rassurer, là. Même en Allemagne, à l'école secondaire, quand tu fais ton histoire en 10e année, des choses comme ça, tu... Tu vois pas ça. Tu vois pas ça comme ça. Tu vois pas ça de façon si détaillée, non. OK, juste... Ouais. Ah, ouais. Exactement. Oui, on est en... Excellent. T'es déjà un pro du podcast parce que, bon, on a une discussion, on déguste des petits drinks. Là, c'est pour... Excusez. Non, y a pas de problème. Mais écoutez, et on vit aussi, faut rappeler qu'on est presque voisins, puis on vit dans le couloir aérien. Fait que des fois, on entend des 740 passer. Ben, des 740, des avions. OK, fait que là, milieu des années 20, Adolf Hitler y arrive, puis là, lui, il se présente un peu comme le sauveur. Le sauveur, le grand sauveur, là. Puis là, je veux pas faire de... Ou ça, tu sais. Non, mais attends, là, quand tu fais des discours en disant que les Juifs sont notre malheur, là, on est très loin de qu'est-ce qu'on peut entendre okay. ici, là. OK. Attends, là, ouais. C'est une tangente, t'es pas là-dedans, okay. là, tu sais. Il y a pas de politique correcte de 2022 là-dedans, là, pas du tout. Okay. Puis d'où vient la haine des Juifs? C'est ça l'autre question que je me demandais. C'est que ça, en fait, on l'a jamais trouvé, ça. Il y a beaucoup d'historiens qui ont étudié la vie d'Hitler. Tu sais, Hitler est mort, hein, il s'est suicidé en 1945, donc... Il n'y a personne qui a fait un débriefing de sa vie. Ils n'ont jamais trouvé ça venait d'où, cette haine des Juifs-là. C'est sûr que la haine du Juif, c'est quelque chose qui, dans le monde occidental, parce que même le Canada était touché par ça, a toujours fait partie un peu des mœurs malheureuses jusqu'à l'Holocauste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus bas. C'est encore présent dans certaines régions du monde, mais on est vraiment dans une... Il se sert de vieux préjugés. Ça prend un bouc émissaire. Hein, donc. Et les Juifs, c'est quoi en Europe? C'est l'argent, c'est la finance. Ce sont les banques, les riches, les artistes. Donc, des gens qu'on est, sur lesquels on peut facilement pointer du doigt les problèmes de la société. L'Allemagne a des problèmes économiques. Ah, mais regardez, là, les Juifs ne sont pas affectés parce que la famille Rothschild, ce sont des banques. Les Rothschild family? Oui, c'est ça. OK, les Rothschild. Parce qu'encore aujourd'hui, des fois, je vois, ben là, à différents degrés, là, mais des fois, encore aujourd'hui, tu vois ça. Les Rothschild contrôlent le monde, là. Genre, il y a quand même... okay, mais c'était quand même important, je savais pas ça. Fait qu'il y a pas de... C'est à cause d'eux autres, là. Puis on va répéter que c'est à cause d'eux autres, puis exactement, ça va finir par être ça, genre. Oui, y a pas plus... okay. Oui. Puis là, il se met tranquillement, il prend de plus en plus de... À mesure que les années 20 avancent, il est de plus en plus connu et il est de plus en plus... Mais le parti a quand même pas beaucoup de... le parti ne connaît pas tant de succès électoraux. Okay? Sauf qu'avec la Grande Dépression qui s'installe en Allemagne, il y a plusieurs élections, notamment en 1932, il y a deux élections en Allemagne, tellement que c'est impossible de créer une majorité. Et dans la foulée de ça, vous savez que le parti nazi il a sa propre armée. C'est paramilitaire, c'est les SA, les chemises brunes, le Sturmabteilung. Okay? Et en fait, eux autres, c'est des gros bras qui vont, ils vont casser des gueules dans les assemblées politiques, des partis libéraux, des partis, surtout des partis de gauche. Là. Fait que c'est genre, vote pour nous autres, sinon on va te casser deux jambes. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. OK, mais littéralement casser deux jambes ou genre, oui, c'était pas mal, on va te... retirer 100$ de ta peine. Non, c'était pas... Juste remettre en contact. C'était plus me te casser deux dents. Ouais, OK, c'est ça. OK. C'est surtout envers les communistes, c'est surtout envers la gauche. Comment je te dirais ça? Tu sais, le parti nazi, le système... le... OK, ça, c'est encore... Il y a beaucoup de débats historiques là-dessus. Puis c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Mais juste pour te préciser, Antoine, vu qu'on en parle... Le parti nazi, de son nom complet, c'est le NSDAP, National-Socialistische Partei, Arbeiterpartei Deutschlands. Okay? En français, c'est-à-dire? C'est, alors... Si tu le sais pas par cœur, c'est pas grave. Non, mais c'est le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands. D'ailleurs, je l'ai mal dit en allemand parce que j'ai inversé deux lettres, mais bon. Donc, on a du nationalisme et on a du socialisme, OK? À l'époque... faut le voir dans le contexte. À l'époque, les communistes se voient comme des internationalistes. Donc, essentiellement, le parti nazi il est tout aussi antidémocrate et anticapitaliste que le parti communiste. Mais lui, il est nationaliste au lieu d'être internationaliste. Donc, c'est le débat entre les deux, à savoir est-ce que tu veux un État-nation pour lequel c'est le plus grand? Est-ce que tu veux croire que ton peuple est supérieur? Est-ce qu'il y a de la hiérarchie des races, des choses de ce genre-là? Ou est-ce que tu crois au contraire que les prolétaires de tous les pays doivent s'unir, comme le disait l'international de l'époque? Donc, c'est vraiment le débat entre les deux. Il y a un débat historique quand même, parce que la réalité, c'est qu'une fois que les nazis se sont installés au pouvoir, après avoir cassé bien des jambes des gens de gauche, les nazis se sont mis des cravates puis sont allés voir les riches, les bourgeois pour les amadouer. Et puis là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore un débat chez certains historiens, à savoir est-ce que le nazisme était de gauche ou de droite? Il y a beaucoup de gens qui disent que le nazisme n'était pas de la gauche parce qu'ils se sont alliés aux communistes, et aux conservateurs et aux libéraux pour prendre le pouvoir. Donc, okay. C'est intéressant encore une fois. Tu as dit, une fois qu'ils sont au pouvoir, bon, clairement, c'était peut-être pas les méthodes les plus démocratiques pour arriver aux... Ils ont cassé des gueules, ils ont fait de la pression, etc. C'était pas très blanc comme méthode, mais ils l'ont fait. En quelle année ils rentrent au pouvoir, puis c'est quoi les idées qui sont parlées à Berlin, ou en Allemagne, dans le fond, qui rejoint? Parce que je regardais des archives, des images, tu sais, pas juste à coup de cassage de gueule. Ils ont un discours populiste qui rejoint une certaine frange de la population. C'est quoi ces idées-là? En fait, ils veulent remettre l'Allemagne sur pied. Donc, mais concrètement, mettons, parce que... Ben, eux autres, ils veulent, par exemple, ils disent qu'en réarmant l'Allemagne, on peut refaire... non seulement l'économie, parce que ça va créer des jobs, mais on peut aussi refaire l'honneur du pays qui était perdu en 1918. Donc, tu vois, juste en disant ça, tu veux faire travailler des chômeurs, donc tu vas plaire à gauche. Puis là, tu vas aller plaire à droite en disant qu'on va rendre l'honneur qui a été perdu 15 ans plus tôt à Versailles, lorsque la guerre est terminée. Donc, tu sais, ils ont réussi à être rassembleurs dans leur discours en rasant dans les deux extrêmes. Hitler, il est nommé chancelier le 30 janvier 1933 par le président Paul von Hindenburg. Chancelier versus président, nuance, c'est quoi? C'est le chef du gouvernement. OK, mais lequel est élu, lequel est... Alors, c'est-à-dire que, si je me rappelle bien, le président de la République de Weimar était élu par le Parlement. OK. C'était quand même c'était un système qui, de ce point de vue-là, ça ressemblait un peu à nous avec le gouverneur général versus le premier ministre. C'est-à-dire que le président n'avait pas d'autorité. C'était peut-être pas aussi clair que dans un système à la britannique comme nous on a, mais là, j'y vois vraiment de mémoire. Il faut savoir que comme le président... faisait qu'est-ce que le chancelier disait. Okay, mais c'était le chancelier qui était le gros boss. Là, quand pas le Bundes, il n'y avait pas de fédération dans ce temps-là, mais c'était le chancellor, donc le chancelier. Et donc, Hitler est nommé chancelier le 30 juin 1933. Il va former un cabinet. Okay, très, très rapidement, fin février, donc 3 semaines après, le Parlement prend feu, le Reichstag prend feu. Il y a un communiste hollandais du nom de Marinus van der Lubbe qui se trouve sur les lieux. Ah ouais. Voilà, on a un suspect. Les communistes ont mis le feu. On décrète une loi d'état d'urgence. On rend toute appartenance au communisme illégal, le parti, tout ça. Et là, on va commencer le premier mesure anti-juive, c'est le boycott contre le commerce juif le 1er avril 1933. Parce que c'est de leur. Au final, les juifs, c'est de leur faute. C'est à cause de ça. Il n'y a pas besoin. Le ciel est bleu, c'est à cause des juifs, mettons. C'est là, okay. Et là, il y aura d'autres élections dans lesquelles. Qui ne sont plus libres, là, parce que tout le monde. Tu sais, tous les opposants se font battre et tout ça. Pour donner, en fait, qui pourrait installer... Battre à coup de batte de baseball. À coup de baseball, ça. Donc, quand on est rendu là avril, mai, là, le peu de démocratie allemande qui restait... En 34, 35? Ça? Non, 33 déjà. 33 là, déjà, c'est déjà mort. Question de mois. et un an plus tard, quand le président Hindenburg meurt, ben Hitler va tout simplement fusionner... le poste de président et de chancelier. Donc voilà, donc c'est le Martha Greifung. Aujourd'hui, les deux sont dissociés? Non. C'est dissocié. Okay. Entre-temps, bien sûr, contrôle de la presse, contrôle du cinéma, contrôle de plus en plus, contrôle de l'économie. Parenthèse, c'est cigarettes. C'est-tu vrai que ça a été le... Oui, alors Hitler, c'est un... C'est un straight edge, bon. Okay? Mm-hmm. Il ne boit pas, il est végétarien. Il déteste la cigarette. Donc, son mode de vie qui est très austère, disons, il va l'imposer au peuple, si on peut dire ça comme ça. Notamment, le parti nazi va se faire connaître beaucoup pour son activisme anti-tabac, qui à l'époque est extrêmement révolutionnaire. Ah, okay. Parce qu'il y a des pubs à TV, là. T'sais, comme c'est quasiment bon pour la santé de fumer des cigarettes. Exactement, c'est ça. On s'entend, là. Plus, mais c'était pas plus dans le temps que ça l'est maintenant, là. Mais c'était ça. Et ça, d'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que souvent en Allemagne, l'Allemagne d'après-guerre, si les nazis font quelque chose, faut pas le faire. Donc, se basant là-dessus, l'Allemagne est un pays qui a longtemps résisté aux campagnes anti-tabac et à la pub anti-tabac parce que. Parce que les nazis les nazis voulaient pas qu'on fume, fait que là fuck off on fume. Exactement, okay. C'est ça, voilà. Les nazis réarment l'Allemagne, remettent l'économie sur pied. Peut-être pas par des méthodes capitalistes, par des méthodes de libre marché, et évidemment au prix d'une abolition totale des libertés individuelles. Et également, bien sûr, au prix de toute la discrimination envers les Juifs qui commencent à quitter le pays de plus en plus à mesure que les mesures se renforcent pour les empêcher de vivre librement en Allemagne. 1938. Fait qu'il y a un buffer, mettons, de... Là, il arrive et fusionne le rôle de chancelier avec celui de premier ministre. Président. Et là, parce qu'on approche de 30. C'est parce que là, je vois le temps. Mais je veux pas dire, on n'a pas de limite de temps. Parce que là, l'affaire, c'est que là, on n'est pas rentré dans la guerre. Mais non, là, il faut se rendre à 61. Là. Fait que là, on est rendu, hein. On est en. Fait que mettons qu'on est en 38 présentement. OK, mais là, ça se fait. Ils font ça, là. OK, là. Mais. Aux alentours, ça se met-tu à jaser un peu de comme oui. Là, c'est pas chic. Les amis, là, va oui, falloir. Oui, oui, non, c'est ça. C'est surtout à l'époque, l'Europe, c'était pas l'Europe d'aujourd'hui. Là. OK? Dans les grands pays, en fait, c'est que vous avez. c'est que, tu sais, comme la plupart, à l'exception de la Tchécoslovaquie, tout ce qui est en Europe de l'Est est une. Ce sont des dictatures. OK? Vous avez la Russie qui est communiste. Vous avez. Italie, c'était fasciste. L'Italie, c'était fasciste. L'Espagne. Ben, l'Espagne, à l'époque, est en guerre. C'est la guerre civile que Franco va gagner en 1939. Mais l'Allemagne, comme l'Italie, vont aider Franco à gagner la guerre d'Espagne. Donc, il y a des gens en France et en Angleterre qui voient ça et qui se disent « Attention, là, regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils sont en train de Guernica, les bombardements, tout ça, c'est l'armée, c'est des Allemands qui ont conçu ça. » Donc, il y a des gens comme Charles de Gaulle, comme Churchill, qui sont pas au pouvoir à l'époque, mais qui donnent déjà des signaux d'alarme. Et le premier signal d'alarme qui vient vraiment aux oreilles du monde, c'est, bon, à l'époque, la Tchécoslovaquie a les mêmes frontières, à peu près les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Bon, la Tchécoslovaquie s'est séparée en 1993. Écoute, juste parenthèse parce que mais je savais qu'on allait, j'étais certain, on n'est pas couché les amis là. Ça fait genre une heure, on est rendu à 38. Mais écoute, sans trop s'éparpiller là, juste parce que là, on va faire une mini pause si t'as envie de whatever le mot. Mais c'est correct. Pause. Tu veux qu'on avance de 7 ans, on va le faire. Non, on va pas avancer de 7 ans. Non, je veux juste... C'est parce que c'était important de comprendre... OK, c'est bien que... On va y aller. Regarde, au pire, on fera 4 épisodes. Pas grave, pas de stress. fait que là, ça commence, mais... On va pas aller... Mais en même temps, il y a peut-être des... On pourrait se faire un autre épisode sur la Deuxième Guerre mondiale au complet, là. Connais-tu autant le mur de Berlin? En tout cas, oui, la réponse est oui, tu sais, mais... Je suis certain. Fait que, écoute, on va faire une mini-pause. Ben, vous allez pas l'entendre, puis on repart de 1938, genre? Oui. OK. C'était cette petite pause. On était rendu en 1938, et on a eu une petite discussion off the record. C'est fou, pareil. Pas de notes. Joe, qu'est-ce que tu veux? Ça jase, puis il y en a pas. Joe, t'as l'air, mais t'as pas de notes. Son sel, il scroll Twitter, hein, tu sais, en deux réponses. Aussi. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis c'est le deuxième. Écoute, là, on rentre en 38. Mais avant ça, j'ai un beau cadeau pour l'invité. Écoute, j'ai trouvé ce livre. Je ne l'ai pas acheté pour l'occasion, je vais être franc avec toi. Mais je te l'offre, Le mur de Berlin par Frédéric Taylor. Alors voilà, une copie qui n'est pas dédicacée de l'auteur, mais voilà, c'est ton cadeau. Parce que oui, ça, on rappelle un épisode sur le mur de Berlin, mais on était rendu en 38. Fait que là, notre monsieur moustachu du nom d'Adolf Hitler est rendu au pouvoir. On a parlé dans le premier segment comment ça s'est fait et tout. Fait que si jamais, voilà, ça s'est fait de manière un petit peu, on va se le dire, broche à foin, très douteuse. Et à quel moment est-ce que la guerre est déclarée, Joe? C'est comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale arrive? Y a-t-il une... Le moment clé. En fait, ben, historiquement, c'est les historiens retiennent l'invasion de la Pologne le vendredi 1er septembre 1939. OK, ça, c'est le bout qui est très important, qu'on a déjà fait dans un podcast, mais pas enregistré. fait que là, l'Allemagne commence à être comme, ben là, nous autres, on a notre territoire qui marche de même, mais tranquillement, on veut aller vers plus. En fait, OK, c'est que dans l'idéologie nazie prévoit l'expansionnisme de l'Allemagne et voit les habitants slaves comme les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Russes, comme des sous-humains. Okay? Ils disent clairement, là, genre. Oui, oui, oui. Okay. Et en fait, ce que dit Hitler, c'est que ben, l'Angleterre et la France, ils ont des colonies en Afrique, dans les Caraïbes et dans d'autres continents. Puis là-dedans, j'inclus le Canada, parce qu'à l'époque, le Canada est un petit peu plus relié à l'Angleterre qu'aujourd'hui, même s'il y avait le statut de Westminster depuis 1931. Donc, le Canada était indépendant depuis ce temps-là. Donc, en fait, c'est que Hitler, lui, il réclame des territoires à l'est. À l'époque, il y avait beaucoup d'Allemands qui habitaient à l'est, comme minorité de ces États-là. Et la première cible d'Hitler, c'est l'Autriche. Son pays d'origine, qui est peuplé... Okay. Adolf Hitler était autrichien. Oui, oui, oui. Okay. Donc, le 15 mars 1938, l'Autriche est envahie. Suite à un peu d'instabilité politique, l'Autriche est envahie et annexée. C'est ce qu'on appelle l'Anschluss. Annexée, c'est tu deviens... Oui, oui. I'm boss. Elle devient une province allemande qui s'appelle l'Ostmark. OK, mais ça... Y a, juste, j'essaie de me remettre. Il n'y a pas d'affaire de « on va voter ou pas ». C'est comme « non, non ». Ah, il y a eu un référendum, mais écoute, si tu vas voir sur Wikipédia, il y a une photo du bulletin de vote. Le bulletin « oui », c'est comme un rond d'un pouce, puis le bulletin... Le non, c'est comme 5 mm. Puis on vous casse les deux jambes si on vous retrouve aussi. Maintenant. À peu près. OK. C'était OK. Fait que là, 15 mars 1938, oui. Il commence à annexer des pays limitrophes c'est à l'Allemagne. C'est ça. Okay. Il a commencé avec l'Autriche. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais ça n'a pas ému beaucoup de monde à l'international qu'il ait annexé l'Autriche. Par contre, plus tard à l'automne, il va réclamer des territoires qui font partie de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie a été fondée en 1918 et peuplée en majorité de Tchèques et de Slovaques, des pays qu'on connaît surtout pour le hockey ici au Canada, mais qui à l'époque était quand même beaucoup plus diversifié ethniquement qu'il a été après la guerre. Et il y a toute une région qui s'appelle les Sudètes, qui est à l'ouest du pays, ainsi que dans le nord, côté ouest, qui est peuplée par des gens qui sont germanophones, qui habitent là depuis le Moyen, tu sais, depuis des centaines d'années. Prenez par exemple Franz Kafka. L'auteur. Franz Kafka, lui, c'était un Tchèque de langue allemande. OK. Il était juif, mais c'était un Tchèque de langue allemande. Donc, tu sais, comme il y avait il y avait des Allemands qui habitaient ces territoires-là. Kafka était pas de l'Allemagne. J'étais certain que Kafka était de l'Allemagne. Non, non, non, non. Mais à l'époque, c'était l'Autriche-Hongrie, Antoine. On parle de Kafka, l'auteur de la, voyons, de la Coquerelle. Oui, c'est ça. OK, c'est ça, oui. Juste mais Antoine, là, je te parle de... Comme avant 1918, mais ben 1920, parce que le temps que les territoires soient coupés, tout ça... Ça s'appelle l'Autriche-Hongrie, c'est l'Empire austro-hongrois avec les Habsbourg. Là. Donc, t'as pas d'Autriche, t'as pas d'Hongrie, t'as pas de Tchécoslovaquie, t'as pas de Pologne, la Yougoslavie, la Yougoslavie n'existe pas de façon comme on l'a connue après. Donc, tu sais, tu peux pas vraiment comparer avec aujourd'hui. Mais le pays des Tchèques et des Slovaques, c'est la Tchécoslovaquie. OK? Et on a. Dans l'ouest et dans le nord, une importante minorité allemande qui habite là. Ces gens-là, pour différentes raisons, demandent d'être réclamés à l'Allemagne et les nazis veulent les réclamer sous eux. Donc, en fait, ils commencent à demander ça. Et là, ben, l'Angleterre et la France vont faire une rencontre à Munich et vont signer. Écoutez, la Tchécoslovaquie n'est même pas invitée. Okay, mais eux veulent devenir... Nuance, là. Attends, juste parce que... Ils veulent devenir allemands, eux. Puis l'allemand veut qu'ils deviennent allemands. Exactement. Fait que c'est un win-win. Oui, d'un point de vue allemand, oui. Mais d'un point de vue aussi d'eux, là, de la Tchécoslovaquie veut... Non, parce que c'est quel pays accepterait de se faire démanteler au profit de son puissant voisin? Personne. Ouais, fair enough. Ouais. Donc, en fait, il y a un accord entre la France, qui est Édouard Daladier, qui va négocier ça, et Neville Chamberlain, qui vont rencontrer Hitler à Munich, chez lui, en 1938. Et on va signer ce qui s'appelle les accords de Munich. Et ça donne à l'Allemagne le contrôle de ces territoires, tchèques-là. Le 15 mars 1939, donc exactement un an jour pour jour après l'invasion de l'Autriche, L'armée allemande envahit le reste de la Tchécoslovaquie. Et là, ça va devenir... En fait, les territoires tchèques vont devenir ce qu'on appelle le protectorat de Bohême et de Moravie. Et la Tchécoslovaquie va devenir un État... je cherche le mot français, mais en anglais, on dit un puppet state. Okay. Donc, c'est un... C'est un État marionnette. C'est un État vassal, en fait. C'est le c'est... c'est un curé qui dirige, c'est un prêtre qui dirige la Slovaquie, Joseph Tiso, et c'est un, tu sais, il y a une indépendance, mais c'est de non seulement, parce que c'est l'Allemagne qui gère tout. Et là, le prochain coup, c'est la Pologne, mais là, cette fois, l'Angleterre et la France disent non, c'est assez. OK, Pologne, 15 mars 39. Non, ça... Pologne, 1er septembre 1939. Oui, OK. Fait que là, ils ont... Parce que, dans le fond, la France puis l'Angleterre ont signé le... La France et l'Angleterre ont... Les accords de Munich. Oui, c'est ça, oui. Puis là, les accords de Munich, c'est comme, OK, ben là, ça, c'est chill, tu prends... Là, je résume ça en mode très... Mais tu sais, ils ont dit, OK, c'est correct, on... ça, ça passe, vous pouvez le faire. Même si on s'entend, ça avait probablement pas été... Ça a été fait pas mal en cochon de la part de l'Allemagne, avec probablement beaucoup de violence, etc. Puis là, c'est, pourquoi est-ce que là, d'un coup, la Pologne, c'est comme, non, là, vous, y a-t-il une explication à ça, ou c'est vraiment, c'était juste enough is enough, dans le fond? Oui, mais je dirais aussi que il y a quand même une... Il y a un désaccord entre la Pologne. Il y a des traités d'assistance mutuelle entre la Pologne et la France, notamment, et probablement l'Angleterre aussi. Qui fait que là, la France, les deux pays occidentaux, se trouvent à être coincés et doivent aider la Pologne. Donc, la Pologne est envahie le vendredi, le 1er, et le dimanche, le 3, l'Angleterre va déclarer la guerre et la France également la même journée. La guerre contre l'État allemand. Contre l'Allemagne, c'est ça. Il n'y aura rien. Il va avoir, c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, jusqu'au printemps. Donc. De septembre à où est-ce qu'on s'en va dans l'histoire? Ouais, ben là, on la drôle de guerre. On s'en va au mois de mai. Là. Il rentre en septembre en Pologne. Oui. Puis là, la France puis l'Angleterre disent, OK, là, c'est déclaré le même jour, là? Non, c'est le c'est deux jours après. OK, c'est oui, ce qui est vraiment... Deux jours après le 3. Mm-hmm. Mais le Canada, par exemple, va déclarer la guerre à l'Allemagne le 10 septembre. Pourquoi? Le Canada se sent lié à la décision parce que... Ils sont proches du UK. À cause de l'Angleterre, okay. C'est ça. Pis s'il n'y avait pas le UK, puis c'était juste la France, aurais-tu fait ça pareil en si peu... Je ne sais pas. Parce non, que, regarde, les Américains sont restés loin du conflit jusqu'en 1941. Ils ont attendu que les Japonais les envahissent. Ils ont été neutres jusqu'en 1941. Donc, okay. c'est possible. Pas trop vite là-dessus, on va en rejaser. Fait que c'est possible que le Canada serait peut-être resté neutre plus tard dans le conflit s'il n'y avait pas eu l'Angleterre. Écoute, rendu là, hein, on réinvente un peu l'histoire. On est en... Non, mais tout ça. Fait que, OK, ils envahissent la Pologne et là, il y a ce qu'on appelle la drôle de guerre. Oui, c'est-à-dire que l'Angleterre et la France font très, très peu d'intervention. Il y a une guerre ouverte, mais il y a peu de combats à l'ouest et il n'envoie jamais personne à l'est. Là. Au mois d'avril, le 9 avril, Hitler envahit le Danemark et la Norvège. Et là, l'Angleterre et la France sont un petit peu plus nerveuses et interviennent dans la ville de Narvik, dans le nord de la Norvège, parce que c'est un port qui est important pour exporter du fer suédois. Okay. Mais ils sont allés stratégiques parce que je veux dire, la Norvège, pas tant à côté. Là, non? Mais c'est ça. Bon, okay. Ils sont allés comme ça. Et là, ben le 10 mai, c'est l'invasion du Luxembourg, de la Belgique, des Pays-Bas, de la France. Le Luxembourg tient quelques heures, les Pays-Bas tiennent 4 jours, la Belgique tient 3 semaines. La France va tenir... aux alentours du 20 juin. Et là, il y aura ce qu'on appelle, c'est que De Gaulle s'en va à Londres pour continuer à combattre, alors que le maréchal Pétain juge que non, il faut cesser le combat et capitule. Donc, c'est là que... OK, mais quand tu dis « il rentre », là, il rentre... Parce que là, mettons, Charles de Gaulle s'en va à Londres. Charles de Gaulle, lui, c'est il négocie du politique. Mais non, quand... Non, il s'en va. Hein? Il s'en va. Mais non, mais dans le sens, quand tu dis « il rentre », là, c'est... T'as grand coup de mitraillette, là. Oui, OK. Juste... Ouais, c'est fou. J'ai plein de connaissances, mais comme tu peux voir, l'histoire, c'est pas mon plus grand talent. Après ça, il y aura une autre campagne en 1941 pour se rendre à la Grèce en mois d'avril. Le 6 avril 1941, on commence à envahir. Il faut savoir aussi que l'Italie était dans la game cette fois-là. Donc, les Italiens vont en Grèce après avoir été en Albanie. Les Allemands s'en vont en Yougoslavie le 6 avril 1941. Et là, le 22 juin 1941, Hitler annonce le matin à la radio que l'armée allemande envahit l'Union soviétique. OK. Oui. Là, il faut savoir que l'Union soviétique était officiellement neutre dans le conflit, mais il y avait un pacte de non-agression qui s'appelle le pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Union soviétique et l'Allemagne. L'Union soviétique avait envahi une partie de la Pologne, avait envahi une partie les pays baltes au nom de la protection, notamment. Mais il y avait pas d'agression entre les deux. Et c'est pour ça que on parlait des communistes tantôt. Les communistes français, par exemple, jugent qu'on ne doit pas se battre contre l'Allemagne parce que, vu qu'ils prennent leurs ordres de Moscou, Moscou est neutre face à l'Allemagne. Donc, les communistes français, par exemple, doivent être neutres face à l'Allemagne, même s'ils envahissent leur pays. Évidemment, ce n'est pas tous les communistes français qui ont pensé ça, mais c'est un peu le exactement. Lorsque tu arrives avec... les nazis vont avancer pratiquement jusqu'aux portes de Moscou et à la bataille de Stalingrad. Et la bataille de Stalingrad, ils vont aussi aller en Afrique, mais c'est vraiment la bataille de Stalingrad qui est considérée comme étant le point tournant de la guerre. L'Angleterre est pratiquement toute seule à se battre. Évidemment, il y aura le Canada, les États-Unis, l'Australie, plein de monde à mesure, mais... Si on prend les années 1940 et 1941, c'est surtout l'Angleterre est pratiquement seule devant les nazis. Puis mettons en France, à ce moment-là, c'est vraiment une république. C'est vraiment... Ça ressemble à quoi? Parce qu'ils l'ont... Là, on dit ça, ils sont rentrés, ils ont pris le contrôle. Mais oui, mais c'est le nord de la France est occupé par les nazis. Le sud de la France est occupé, et c'est le régime de Vichy qu'on appelle. C'est le maréchal Pétain qui est en charge avec un homme qui s'appelle Pierre Laval pendant plusieurs mandats. C'est un État qui collabore. C'est un État que la France considère comme étant illégal parce que la politique de collaboration va très loin. Par exemple, dernièrement, on célébrait les 80 ans de la radio. On soulignait, excusez-moi, c'est pas le bon mot, célébrer. Bon, on soulignait que c'était les 80 ans de la rave du Veldiv, lorsque les Allemands avaient réclamé des Juifs à la France. C'est la police française qui est allée les chercher chez eux. Donc, tu sais, quand on dit que la politique de collaboration allait très loin. Mais tout ça pour... Je comprends que t'as là... T'as la vidange à poubelle qu'on parle, là, la poubelle à moustache. Puis là, lui, il est dans un power trip de moi, j'ai conquéri le monde là, avec mes idées. Puis là, t'as les jeux. C'est juste ça, on dirait que j'essaie de faire un lien. Il y en a peut-être pas là, de lien logique, mais. OK, fait que là, nous, on veut. Fait que là, lui, il trippe. Hein? Moi, je veux devenir plus gros, plus grand, plus fort. Puis là, je compte les Juifs, mettons. Mais comme les Français, là, si t'es, mettons, un Français pis t'es pas juif, là, un matin de 1940, mettons, ça ressemble... Même si t'es dans une place qui est concentrée ou qui est devenue... Mettons, t'es propriété de l'Allemagne, mettons. Okay? Ça ressemble à quoi? T'es-tu dans la merde? Tu cours-tu? Tu te fais-tu gonner? En fait, c'est que t'as des soldats dans la rue... tu peux pas, évidemment, tu peux pas écouter la radio, la BBC, parce que c'est illégal. Tu as du rationnement de tes aliments. Tu pourrais pas aider ton voisin juif. tu peux pas dire dans un magasin que tu es en faveur du général de Gaulle, par exemple, parce que tu peux te faire arrêter. Mais la vérité, c'est que si tu fais ta petite vie pépère dans ton champ à cueillir tes patates en Normandie, c'est comme... Tu peux t'en sortir. Là. Jusqu'à temps que les autres y arrivent, disent ça, c'est mon champ, mettons. Oui, c'est okay. Ça. C'est ça. Et il y avait un point aussi que je voulais aller dans le fond. OK, là, ça. Fait que là, ça se passe, ça prend. Le UK résiste. Oui. Et, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Poursuivons. Ben, en fait, c'est que à Stalingrad, l'armée rouge remporte la bataille de Stalingrad. Et c'est à partir de ce moment-là que ça se revire pour l'Allemagne et les Allemands commencent à perdre à mesure et l'armée rouge avance vers l'ouest. Là, ben vous savez, là, tu as les États-Unis et l'Angleterre surtout qui s'arrangent avec Staline pour ouvrir un deuxième front. Staline demande un deuxième front. Il y aura un débarquement en Afrique du Nord, il y aura un débarquement en Sicile, mais c'est vraiment le débarquement en Normandie, le 6 juillet 1944, qui va vraiment marquer un point tournant. Et donc, tu as les Alliés qui arrivent de l'Ouest et du Sud, alors que tu as les Soviétiques qui arrivent de l'Est. Ils vont se rencontrer en Saxe, pas loin de Leipzig, si je me rappelle bien, en avril 1945. Pendant que tout ça se déroule sur le champ de bataille, tu as une série de conférences, Téhéran, Québec, Yalta, Potsdam. Potsdam, c'est après la capitulation allemande, mais bon. Okay, revenons au Québec. Ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. Parce que moi, ma grand-mère est adoptée, là, Pearl, tu l'as rencontrée. Oui. Puis son père, sa mère, en fait, parenthèse personnelle, sa mère n'a jamais dit c'était quoi l'histoire, mais ma grand-mère, elle me dit que son père biologique, c'était... Y avait-tu des gens de l'Europe qui étaient au Québec, dans la ville de Québec? C'était quoi le... On est en 44, là, excusez, on a un peu sauté parce que vous comprenez qu'on faut se rendre au mur de Berlin, là, fait qu'on y va lentement mais sûrement, mais c'était quoi le... Pourquoi Québec? Qu'est-ce qui est arrivé à Québec à ce moment-là? Qui était là? Qui étaient les autres? Pourquoi Québec et qui était venu à Québec dans les têtes fortes niveau politique et aussi qui les accompagnait? Y avait-tu des soldats de l'armée ou de différents? Y avait-tu bref, qui était là à Québec? Ah, ben en fait, c'est que c'est à Québec ici. C'est à Québec qu'on va déterminer. En 1943, sur le château Frontenac, tu as Churchill avec Mackenzie King et Roosevelt, c'est là qu'on va décider que le débarquement de Normandie va se décider. Ah ben oui, ils sont là, crime. Hey, je vais rajouter. Add to show note. Non, mais c'est vraiment, écoutez, là, tu sais, quand on pense à ça, c'est vraiment une. Tu sais, comme on a de l'air de rien ici, mais il s'est décidé quelque chose de fondamental dans le 20e siècle, en fait. C'est à Québec que ça s'est décidé ça. Pourquoi le débarquement de Normandie est si important? Il fallait ouvrir un deuxième front. Il fallait arriver de l'autre côté. Il y a eu une évaluation de différents sites. Et c'est la Normandie qui a été choisie pour faire le débarquement. Ça, à Québec... Pas au Québec, à Québec, oui. Québec, Château-Frontenac. Oui, oui. Puis qui accompagnait ces gens-là? Ben, il y avait des délégations de militaires. Okay. Hein? Il y en a eu une autre aussi en septembre 1944. C'est là qu'on a décidé. Ça, c'était peut-être par la Téhéran, là, mais j'essaie de me rappeler. Mais, ouais, c'est pas grave, mais on est dans le détail du mais détail. Mais c'est là qu'on a décidé, en fait, qu'on s'est entendu sur le plan de démilitariser l'Allemagne pour que l'Allemagne ne fasse plus jamais la guerre encore. Et c'est là qu'on a commencé à discuter du principe de diviser l'Allemagne en zones d'occupation. OK, explore un peu ça, c'est intéressant, parce que ça va-tu se projeter tranquillement vers... Oui, on approche. on approche. Donc là, si on fait si on avance un peu, là, OK, 1945, l'Allemagne est défaite, l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Donc, Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945 également. Oh, ça va un peu vite, là. Revenons à Québec. Okay. On a nos amis qui parlent au Château Frontenac, décident. Fait qu'il faut qu'on rentre dans l'occupation allemande. On le fait par Normandie. Oui, c'est ça. Et là, en fait, dans la deuxième conférence de Québec, on va en parler aussi probablement à Téhéran au 143, mais c'est là qu'on dit que pour éviter les erreurs de 1918, on doit rester en Allemagne, on doit occuper l'Allemagne, la diviser. Et donc, à ce moment-là, il y aura ce plan de démilitariser l'Allemagne qui s'appelle le plan Morgenthau. Et le plan aussi, et il y aura aussi un plan de diviser l'Allemagne en plusieurs zones d'occupation. Une fois que la guerre est finie, on va en reparler à Yalta et à Potsdam. Mais en somme, l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation. Américaine, britannique, soviétique et française. OK? Et c'est là, en fait, que ta carte est jouée sur la division du pays. OK? Parce que là, une fois que la guerre est terminée, et que d'ailleurs le Japon est défait, écoutez, c'est particulier, parce que ça ici, on enregistre ça le 14 août. OK? L'anniversaire du mur de Berlin, c'est le 13 août 61. Mais le 15 août 1945, c'est là que le Japon va capituler. Okay? Donc, c'est le Victory over Japan Day, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. C'est suite évidemment aux deux bombardements nucléaires de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 octobre, et 9 août. Mais bon. Donc, en fait, c'est que c'est intéressant d'un point de vue historique de faire ça aujourd'hui parce qu'on est comme entre les deux événements comme ça. Lorsqu'on arrive avec la guerre froide s'installe peu de temps après, parce que la vérité, c'est que Staline, le côté démocratique également, mais Staline, lui, il désire avoir toute l'Allemagne pour lui parce qu'il continue à espérer que toute l'Allemagne soit communiste. On ne niera pas qu'à Washington et à Londres et à Paris, on pense la même chose, mais bon. La guerre froide s'installe en 1945-1946. L'Allemagne est séparée en quatre zones. OK. Puis, Adolf Hitler, la poubelle à moustache... Il est mort. Il s'est suicidé. Oui. Là, on ouvre une brèche. Pourquoi il s'est suicidé? Comment il s'est suicidé? Il est dans son bunker, c'est ça? Oui, il est mort dans son bunker, oui. OK. Puis, il s'est suicidé comment? En mangeant du poison, je pense? OK. Dans la chute... qui est un très bon film en passant. Mais vous savez, moi, les parodies qu'ils font sur YouTube, je peux pas l'écouter parce que vu que je parle allemand, ça marche pas. OK. Oui, c'est vrai. OK, oui, c'est ça, c'est de la chute. OK, le moment. OK, oui, l'espèce de meme que c'est sous-titré. OK, ouais. Moi, c'est je comprends qu'est-ce qu'il dit, que ça marche pas. Puis juste rappelons, en fait, tu sais, quand Joe, il dit. Écoute, là, si vous êtes rendu dans le podcast, on se connaît bien, là, on est pas mal amis. Moi, on est mon ami, on est des bons potes. Et Joe parle allemand, mais tu parles mieux allemand qu'anglais, right? Dans le sens, mettons, ton day-to-day est plus de ce que tu lis, de ce que tu consommes, de ce que tu écoutes, c'est plus allemand qu'anglais. Mettons, je t'ai clairement entendu plus souvent parler allemand, même si je comprends pas que je t'ai entendu parler anglais. C'est pas mal égal. OK. Ben, je t'ai jamais entendu parler anglais maintenant. Mais c'est vrai que si vous êtes dans mon chemin sur un feu rouge, ça se peut que je parle allemand. Ah, il sac en allemand. Je comprends pas, mais oui, ça c'est... Chez Maxi aussi. Chez Maxi aussi, si vous êtes dans mes jambes, ça m'arrive. Ah oui, aussi. Ça c'est magique. Même moi aussi, des fois, j'ai le droit à quelques... Je comprends pas, mais là, ça veut dire « femme ta gueule ». OK, mais bon, fait Écoute, on va pas. Écoute, au pire, on en fera un autre épisode, là, si je vois que le monde aime ça, puis que ça vous tente d'avoir un. Parce que là, un moment donné, tu sais, comme. Faut parler du mur de Berlin. Mais ben oui, en fait, ok. Ça. Fait que là, c'est ça. Fait que non, les non, cartes sont jouées. Adolf Hitler, ok, gars, on a. Il est mort. Il est mort. Ben, en fait, il s'est tué parce que son plan n'a pas marché. Là. Ben, c'est ça. Il était-tu gay, Adolf Hitler? Ça, c'était l'autre question. Ben, est-ce qu'il y avait une seule testicule? Ouais, ça, c'est toutes des légendes. On va-tu là ou on n'est pas obligé? Ben, faut. Pas tant important, je pense. Pas tant important. Okay. C'était la... Faut... On garde ça quand même casual. Fait que là, t'as l'Allemagne qui est devenue, entre guillemets, propriété des gagnants. Oui, c'est ça. OK. Et là, en fait, c'est dans le contexte de guerre froide oblige le plan à être refait. C'est que les Soviétiques ont des projets expansionnistes. OK? Ils espèrent que toute l'Allemagne deviendra communiste. Évidemment, le côté allié occidentaux, ils espèrent la même chose. Mais la réalité les rattrape, c'est que il faut empêcher Staline de s'étendre. Okay? Là, il faut savoir qu'à l'époque, l'Allemagne est séparée en 4 zones d'occupation, incluant Berlin. Berlin également. Donc Berlin, même si elle est à l'intérieur, même si Berlin est à environ 160 km à l'intérieur de la zone soviétique. Vous avez quand même Berlin qui est séparé en 4 zones dans les mêmes proportions. Donc, vous avez, selon les arrondissements de Berlin, l'Est est soviétique. Par exemple, Mitte, Prenzlauerberg, Pankow, Weißensee, Köpenick, Treptow, Friedrichshain, Lichtenberg. Alors que le reste, c'est américain. Comme par exemple Tempelhof, Schöneberg, Zehlendorf, Kreuzberg. Après, tu as Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau qui est britannique. Mais là, c'est juste pour qu'on se remette un peu. La guerre est finie. Oui, la guerre est finie, c'est ça. Ça la vie, c'est comme... La vie reprend, la vie reprend. La vie reprend. Et t'as Yaranikendorf et Wedding qui sont le secteur français. Plus lentement, s'il vous plaît, ce nom-là. Reinickendorf. Tu m'enverras tout ça. On va mettre ça dans les show notes. Fait que là, la vie reprend. Puis, tu sais, je veux juste aussi, juste parce que pendant que tu parlais de ça, tu sais, je... C'est un... Je pense que c'est un épisode où on y va peut-être un petit peu plus au niveau genre analytique de la chose. On n'a pas parlé des camps de concentration, par exemple. Ben là, c'est un podcast sur la division de l'Allemagne. Oui, c'est ça, rappelons-nous. Mais tu sais, dans le sens que comme il y a des atrocités... Parce que là, on parle un peu de tout, tu sais, comme on fait les grandes lignes, on définit le terrain de bataille, mais il y a des hosties d'atrocités qui se sont... Non, mais en fait, c'est ça qui conditionne la punition. Quand tu y penses à ça, Antoine, c'est sûr qu'au début... moi, je pense qu'en 43, 44, quand on parle à Québec, qu'on dit on ne fera pas les erreurs de 1918, on va rester en Allemagne pour être sûr que cette fois-ci, les conditions de la défaite sont respectées. C'est certain que quand on découvre les horreurs et tous les crimes que les nazis ont faits à mesure que les Alliés rentrent dans les territoires qui ont été occupés par ceux-ci... Parce qu'eux, ils ne savent pas. C'est quoi, c'est Mystère Polichinelle et... Ben, tu sais, là... C'est un secret Polichinelle. C'est dur à imaginer d'aujourd'hui, là, parce qu'on est tellement dans l'instantané, mais... Tu sais, il n'y avait pas de nouvelles, il y avait l'information qui était censurée, la technologie... Ouais, parce que pas BBC en parlait, oui, mais même là, ils n'ont pas su... Tu sais, comme, mettons, à Auschwitz, personne ne savait ce qui se passait là, à part une poignée de gens qui avaient lu un rapport clandestin. Donc, tu sais... Hey, c'est dégueulasse, ça a levé le cœur. Mais non, mais c'est... Tu sais, là... Non, mais Antoine, tu sais, Antoine, quand ils disent aux gens « Faites-vous une valise, puis là, vous venez avec nous, puis on vous met dans un train, puis vous allez travailler en Pologne. » Il y a des millions de gens qui ont cru ça, puis c'est pas de leur faute. Ils savent pas. T'as aucun moyen d'avoir de l'information. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, les rumeurs ont. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des rumeurs qui ont circulé. Ouais, mais tu veux faire quoi? Non, ils partent pas. Ouais, non, mais c'est parce que si je reste ici, je me fais tuer pareil. Ben oui, c'est comme ils sont là. T'as beau te sauver. Les gens n'avaient pas d'armes. Les gens avaient. Il y a très peu de résistance. C'est pas faute de volonté. C'est vraiment un manque de moyens. Mais tu sais, il faut quand même dire aussi que les nazis avaient quand même un système qui faisait en sorte que les gens se. Bon, ben écoutez, on va y aller. Ils veulent nous déplacer pour travailler. Donc, tu sais, on va y aller. C'est sûr que là, quand vous êtes rendu. Quand ils vous disent qu'il faut amener vos enfants, puis quand ils vous disent qu'ils veulent amener votre grand-mère, là, c'est comme, c'est sûr que ça marche plus, là. Mais est-ce que vous avez les outils pour y penser? Et rappelez-vous une chose, c'est que les gens, non seulement les gens ne savent rien, mais les gens ont très faim. Fait qu'est-ce que, est-ce que quand tu manges deux tranches de pain par jour avec une carotte, est-ce que tu as la capacité mentale de comme nous autres, là, qu'on est assis avec notre six-pack de Seltzer, puis qu'on est... Pas 6-4, là, mais tu sais... bon, on est bien assis chez vous, tu sais, fait que c'est comme... Il y a plein de choses là-dessus, ah, là. Ah, ça a pas... Hey, moi, je... C'est dur de le regarder, c'est sûr, c'est dur d'y penser avec non, mais Chris, honnêtement, tu me dis ça, puis non, c'est vrai. Tu sais, pense à ça, là. C'est la marre des poignées, là, dans le sens... Ben, la marre des poignées, dans le sens... T'as une famille, t'as des enfants, les enfants... T'as la bonne... T'as la madame qui broille parce qu'à la fin, les enfants mangent plus. Puis là, tout d'un coup, il y a clairement une pression aussi de comme, ben là, regarde, venez-vous-en, vous allez aller travailler, puis c'est un futur là, meilleur. T'sais, l'humain est de même, on veut tout le temps... Antoine, je vais te dire une autre chose que je peux te dire là-dessus. OK? Ma grand-mère, OK, moi je viens du Saguenay, je l'ai dit, OK? Ça s'entend aussi. ma grand-mère, quand elle parle de la guerre, elle se rappelle des blackouts, du rationnement. Au Québec que ça se passait, oui, ça? OK. OK. Puis je me rappelle qu'elle me parlait de ça comme étant une époque extrêmement difficile. Bon, elle avait 10 ans parce qu'elle est née en 1931. Puis là, t'es comme, attends un peu, là. Moi, je reste dans un quartier en Allemagne qui a été bombardé. Je le sais. Parce que t'as vécu en Allemagne, oui, ok. Je le sais, là, ok, les gens étaient des nazis, donc c'était nos ennemis et tout ça, mais si tu fais abstraction de ça, c'est des gens, des femmes et des enfants, on va y aller, si on va y aller au plus, tu sais, au plus... C'est des femmes et des enfants qui passent 5 ans de leur vie à courir entre leur lit puis la cave parce que l'aviation bombarde tout, qui mangent rien. En plus, c'est un régime de terreur. T'sais, comme grand-maman, viens pas parler comme si c'était dur pour toi. Là. T'sais, comme, t'sais, faut être relatif un peu. Puis même si on va... Tu sais, vous parlez de gens à Paris, par exemple. Vous allez parler à des gens qui étaient dans des villes françaises comme Saint-Malo, comme Lille, des gens de Bruxelles, même des gens de Londres avec le Blitz qui avait des bombardements quotidiens pendant très longtemps. Fait que c'est comme, si je pense que, tu sais, comme les Canadiens de cette époque-là, se rappelle de cette époque-là comme étant une époque de privation, mais on manquait la connaissance de c'était quoi être vraiment dans la guerre, tu sais. Puis en même temps, moi j'ai des... Ben c'est des gens avec lesquels j'ai beaucoup moins de contact aujourd'hui, mais moi, la première fois que je suis allé en France, c'était dans un village, c'était un mariage, dans un village de 500 habitants. Et j'imaginais très, très, assez éloigné des grandes routes et tout ça. Moi, j'imaginais, mettons, qu'il y a eu deux nazis dans le village, là. Ils ont fait le tour, puis ils ont dit « c'est beau », là, tu sais, comme... Fait que peut-être que ces gens-là, qui avaient accès à des produits agricoles frais, qui avaient pas beaucoup, qui avaient pratiquement jamais de soldats, c'est possible que la guerre de cette personne, de ces gens-là... pas été extrêmement difficile. Tu sais, fait que chacun a sa perception des choses. Mais bon, tout ça pour dire que la vie dans l'après-guerre de l'Allemagne est très dure au début. Et la guerre... dans la politique étrangère, la guerre froide s'installe. Et donc, les Américains et les Anglais, dans une moindre mesure les Français, mais tu sais, c'est toujours les trois ensemble quand même. Juste petite parenthèse ici. Là, on a fait un petit aparté, hein, j'ose un peu les différentes perceptions. Parce que, comme tu dis, c'est sûr que chacun avait une vision un peu... Il en reste jamais dans le besoin. Chacun a une vision différente, tu sais, parce qu'il faut pas... C'est sûr que nous, tu sais, on regarde ça aujourd'hui, on a des documentaires, on a des livres, on lit, c'est des atrocités et tout, mais comme tu disais, chaque humain vit un peu, surtout dans des périodes de crise comme ça, vit un peu sa propre réalité, puis essaie de se réfugier dans make the best for who they are, tu sais. Fait que là, on se retrouve en mode post-guerre, après que l'Allemagne a capitulé. Peux-tu nous dresser un peu un portrait de l'Allemagne à ce moment-là? T'sais, au niveau géographique, à quoi ça ressemble? OK, donc on n'a plus les frontières qu'on avait avant. Parce que on a vraiment... la Prusse orientale a été donnée... Alors, on a changé les frontières de l'Allemagne. Ça s'appelle la ligne Oder-Neisse. Donc, ça donne à l'Allemagne sa forme actuelle, qui est modifiée à l'est, en fait. Donc, on déplace la Pologne de quelques centaines de kilomètres vers l'ouest en donnant à l'Union soviétique des territoires à l'est de la Pologne et, en contrepartie, une région qui s'appelle la Silésie est donnée à l'Allemagne, est prise de l'Allemagne et donnée à la Pologne. Et ça, c'est fait avec tous les pays qui ont, oui, entre c'est guillemets, ça, propriété. C'est les accords signés. L'Allemagne n'a aucun pouvoir là-dessus. Okay. Ça, l'Allemagne a reconnu ces frontières-là officiellement qu'en 1972. Donc, jusqu'en 1972, pas la RDA, mais l'Allemagne de l'Ouest, jusqu'en 72... On arrive au mur, tranquille. Jusqu'en 72, à la TV allemande, quand c'est la météo, c'est les frontières de 1937 qui sont dans la carte de météo. Des villes comme Kaliningrad... Okay, 30, wow, parenthèse, 37, c'est pas encore... La guerre n'est pas startée? Ben c'est ça, c'est-à-dire okay, que... C'est ça, il y a une nuance ici, c'est un peu pour ça que je vais aller dans non, mais c'est ça, Antoine, c'est que quand... T'sais, mettons le portrait là, après-guerre. Ben non, mais OK, ben qui contrôle l'Allemagne puis le portrait. Ben non, mais l'Allemagne n'a pas les mêmes frontières, OK, parce que l'Allemagne a eu des territoires qui ont été donnés à la Russie, à l'Union soviétique et à la Pologne. L'Allemagne est occupée en quatre zones, donc Union soviétique à l'est, la France au sud-ouest, les États-Unis dans le centre, les Britanniques dans le nord-ouest en fait. Ensemble, si je peux résumer comme ça. Et Berlin a le même modèle un peu. OK? Sauf à Berlin, c'est le nord de la ville qui est occupé par les Français. Donc, c'est vraiment comme ils ont comme inversé ça. Parce que les Français ont seulement deux endroits. Au début, il y a beaucoup d'obstacles pour se déplacer entre les zones. Mais rapidement, il y a une coordination qui s'implique entre les zones française, britannique et américaine, même incluant un marché commun, si on peut dire. Alors que à l'est, ben la zone devient de plus en plus communiste. Berlin a le même régime un peu. OK? Et à Berlin, c'est de plus en plus difficile de faire une administration municipale. OK? Même chose qu'on est incapable d'avoir un régime uni au niveau gouvernemental, au niveau national, c'est pareil. Et donc, de plus en plus, la ville se sépare. Okay? Mais qu'est-ce qui sonne vraiment le clou de la division de l'Allemagne, selon moi? C'est la réforme monétaire de 1948. Et en 1948, bon, OK. Les Américains, les Britanniques et les Français ont très peur que si les Allemands sont trop pauvres, ils vont devenir communistes. Donc, les Américains ont l'idée de... Devenir communiste, donc devenir, entre guillemets, plus proche du USSR? Exactement, okay. C'est ça, oui. Donc, les Américains ont l'idée de remplacer la monnaie allemande, le Reichsmark, par le Deutsche Mark pour donner du pouvoir d'achat pour tuer l'inflation, finalement. T'sais, vous savez, ces temps-ci, on parle d'inflation à 10%. Là-bas, c'était combien? Ah non, moi, je l'ai pas, je l'ai pas là. Mais, non, t'es pas obligé. Non, mais quand vous dites que... Quand tu dis que t'es obligé d'enlever des zéros sur les billets de banque, là, okay, puis que ça te prend une valise d'argent pour aller t'acheter du pain, c'est là que ton argent vaut rien. Mm. Puis je dis pas ça pour dédouaner les problèmes actuels. Bon, c'est pas un podcast très on woke. Fait juste on là-dedans. On est juste là-dedans comme ça. Donc, mais les Soviétiques ne veulent rien savoir de cette réforme monétaire-là. Mm-hmm. Leur réponse à la réforme, ils veulent pas non plus que Berlin soit inclus là-dedans, parce que Staline espère qu'un jour Berlin devienne tout sur l'emprise des Soviétiques. Les Soviétiques vont bloquer tous les le 23 juin 1948 jusqu'au 12 mai 1949. Les Soviétiques vont bloquer tous les extraterrestres à Berlin-Ouest, donc les chemins de fer et les autoroutes, de façon à ce que pour mettre de la pression sur les Alliés par rapport à, tu sais, comme pour qu'ils abandonnent Berlin-Ouest. Les Alliés vont répondre par un pont aérien. Donc, on va envoyer des avions, parfois toutes les minutes, pour porter du charbon, de la nourriture, etc. Parce que juste une seconde, mm-hmm, parce que t'as l'Est, en fait, vont bloquer les accès pour... Parce que eux, l'Est feed des denrées nécessaires. Non, c'est-à-dire que... Ou c'est l'inverse? Ou... T'as Berlin-Ouest qui est au milieu de l'Allemagne de l'Est. De la zone soviétique, parce qu'on est encore avant 1949, fait que c'est la zone soviétique. Donc, je pense que c'est 160 km, si je me rappelle bien. Donc, à ce moment-là, ça se trouve à être là vraiment... tu sais, comme t'as quand même moyen d'avoir un... tu sais, comme t'as besoin d'avoir du transport. C'est sûr. Le seul moyen que les Soviétiques ne contrôlent pas, c'est les trois couloirs aériens qui sont réservés pour Berlin-Ouest, qui mènent aux aéroports de Tempelhof, Tegel et Gatow. Et c'est la seule manière pour un Allemand de voyager entre Berlin-Ouest et le reste de l'Allemagne de l'Ouest sans être dérangé par des contrôles qui dépendent des Soviétiques. Berlin-Ouest vit sous un régime austère pendant plusieurs mois, très peu d'électricité avec rationnement des produits alimentaires parce que, évidemment, on ne veut pas empêcher, il y a le pont aérien. Ça, c'est un des plus grands ponts aériens au monde. Et ça va rester marqué dans l'histoire parce que les pilotes américains lançaient des bonbons aux enfants. À partir des avions. OK. Dans l'Allemagne de l'Ouest. Dans Berlin-Ouest. Dans Berlin-Ouest. Parce que là on rentre dans la partie plus Berlin. Oui, c'est ça. Okay. Parce que rendu à cette époque-là, la ville est déjà divisée de façon administrative. Parce que c'est de plus en plus difficile de former un gouvernement avec les communistes qui contrôlent l'Est de la ville. Et les partis démocrates qui contrôlent les trois secteurs de l'Ouest. Puis y a-tu un vibe différent entre l'Ouest et l'Est à ce moment-là? Ben, c'est-à-dire que l'Est et l'Est devient communiste. Oui, mais en même temps, des pilotes d'avion qui lancent des bonbons à des enfants, tu sais, on est loin de. Tu sais, on n'est pas dans la grande société capitaliste, là, mettons. Même si c'est Berlin-Ouest. Alors, ça c'était. Ben, en fait, c'était un peu important, ça. Parce que jusque vers 54-55, à peu près. Berlin-Ouest n'a pas la même prospérité que le reste de l'Allemagne de l'Ouest. On n'est pas dans ce qu'on a appelé le Wirtschaftswunder. On n'est pas encore là. Le miracle économique allemand qui remet la main sur pied après la guerre, qui va durer une trentaine d'années. Berlin-Ouest va être affecté par ça juste à partir de 54-55. Avant ça, chaque côté de la ville vit le même malheur. La seule chose, c'est qu'à Berlin-Ouest, il y a de l'électricité en plus grande quantité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de lumière publique. Il y a beaucoup la rénovation de la ville, le rebuilding, ça fonctionne beaucoup plus vite qu'à l'Est. Donc, on peut commencer à voir une différence entre les deux. Évidemment, là, c'est avec les deux monnaies que la différence est plus importante. Le 23 mai 1949, l'Allemagne de l'Ouest est fondée, la République fédérale d'Allemagne, et c'est suivi le 7 octobre 1949 par la proclamation de la République démocratique allemande qui s'appellera l'Allemagne de l'Ouest, de l'Est. À l'époque, okay, Berlin est censé être séparé de ça. L'Allemagne de l'Est n'a jamais reconnu que Berlin-Ouest faisait partie de l'Allemagne de l'Ouest. Et il est vrai que le Berlin-Ouest, les gens de Berlin-Ouest n'avaient pas le même ne payaient pas d'impôts ouest-allemand. Ils n'allaient pas dans l'armée ouest-allemande. Il y avait des papiers d'identité différents. Donc, c'était vraiment c'était considéré quasiment comme un État séparé. Parce que c'était ça qui avait été voulu par le traité de Potsdam. Normalement, pas le traité de Potsdam, mais bon, par les accords de la fin de la guerre sur l'occupation de la ville. Mm. Normalement, il aurait fallu que Berlin-Est soit concerné par le même accord, mais bon, les Russes ayant été assez ratoureux, ça ne s'est pas passé. Puis mettons, juste pour exprimer, tu sais, dans un aspect de ville, mettons, on se parle, parce que, mettons, moi, j'ai jamais visité Berlin, là, genre, j'ai pas, mettons, l'échelle de grandeur. Mettons qu'on parle, là, tout vient du Saguenay, mettons, on parle de Montréal, whatever, tu sais, c'était quoi, c'était-tu comme à Jonquière, c'était l'ouest, puis à Chicoutimi, c'était l'est, ou c'était comme, ou tu sais, mettons, c'est un peu différent parce que c'est une région, le Saguenay, mettons, à Montréal, c'était quoi, ça filait un peu comme... À Villeray, c'était à l'ouest, puis quand t'arrivais dans Parquex, là, c'était un drôle de parallèle, là, mais c'était vraiment un autre monde, c'était géré différemment, c'était pas la même monnaie, c'était pas, tu sais, ça ressemblait à quoi, mettons, en frais d'échelle de grandeur? T'es presque là, OK? Ils ont respecté les frontières d'arrondissement, mais ça marcherait pas de même, mais ça se pourrait que... Ben, tu sais, si on est dans Villeray, là, fait que ça se pourrait que, mettons, après le boulevard Pie-Neuf, là, à Saint-Léonard, mettons, ben, ça se pourrait que ça soit... L'Est, là. Ça se pourrait que ce soit l'Union soviétique qui est en charge. Fait que là, ta monnaie marche plus, tes papers valent rien dire. Ben, c'est un autre pays. C'est un autre pays, OK. C'est pas ça marche de même. C'est ça. T'arrives à l'hôpital... T'embarques dans le métro à Berry-UQAM... Puis tu débarques à Radisson pour aller à Place Versailles. Puis, Place Versailles, c'est un autre pays. OK, fait que mettons, mettons, tu te fais frapper par un char à Radisson. Non, nous, on te soigne pas, darling. Like, tu sais, c'est correct. Peut-être pas comme ça directement, mais c'est un autre pays. En image. OK, c'est à ce point-là. OK, fait que c'est quand même sur un territoire qui est relativement très petit que ça se passe. C'est ça. OK. Et là, le mur, ce fameux mur. Mais en fait, c'est que l'Allemagne, écoute, d'un coup que tu pars 1949, que tu as deux États, l'Allemagne de l'Est se considère comme étant justifiée de diviser, de défendre sa frontière. Et c'est quoi défendre sa frontière? C'est la bloquer par des barbelés, par des mines, par des clôtures, parce que, tu sais, soyons francs, les gens ne veulent pas vivre sur le régime communiste. Okay? C'est tellement joyeux. À partir des années 50, à partir du début de... Ben, il y avait déjà des contrôles entre les zones soviétiques et occidentales depuis le début. Mais c'est vraiment à partir de 48, 49, 50. C'est vraiment là que ça s'augmente de plus. Et à partir de 52, généralement, on s'entend pour dire qu'à partir de 52... À part dans Berlin, il n'était plus possible de traverser de l'est à l'ouest de façon libre. Est-ce qu'on pouvait le faire de l'autre côté? Donc, oui. Mais les gens le faisaient pas parce que personne de l'ouest. Oui, il y a eu très très peu de. Écoute, il y a eu des millions de réfugiés d'est vers l'ouest, alors qu'il y a eu à peu près 500 000 dans le sens inverse. OK. Puis pourquoi des gens de l'est de Berlin allaient vers l'ouest? Pourquoi les gens allaient de l'ouest vers l'est? Certains, c'était parce qu'ils étaient eux-mêmes communistes. D'autres, c'était pour des raisons familiales. De l'autre côté, le chemin le plus commun, c'est évidemment les gens veulent vivre en démocratie, les gens veulent vivre libre, les gens veulent élever leurs enfants, avoir une meilleure vie. Mais c'est weird, pardon, petit problème de son, mon micro était déplugué. Tu sais, c'est comme... mettons, t'es en couple avec quelqu'un, puis là, ses parents sont à... Revenons à l'exemple. Sont au métro P9, puis là, toi, tu vis à Berry-UQAM, puis là, t'sais, ouais, mais là, moi, je suis en fucking in love avec... Je vais aller là. Puis là, t'arrives dans... C'est un autre... Là, faut que tu saches, Antoine, qu'une chose, c'est que... Je pense pas que les gens aient imaginé à l'époque qu'un jour, quelqu'un allait faire un mur dans la ville. Donc, c'est sûr que les gens s'en venaient vers l'ouest. Puis il y avait comme aussi, il y avait beaucoup de gens qu'on appelait les grands gagnants, donc les frontaliers, qui travaillaient d'un secteur à l'autre. Mais il y en avait quasiment autant d'un bord dans un sens que de l'autre, parce que c'est la même ville. Tu sais, c'est dur à imaginer, c'est la même ville. Fait que, tu sais, le matin, t'es dans le métro, les gens se promènent d'une direction à l'autre, c'est tout. C'est sûr, il y a quelques, de temps en temps, on te demande d'ouvrir ton sac. Ça marche. Ben oui, il y a un camp de réfugiés à Marienfeld. Dans le sud de Berlin-Ouest, il y a un camp de réfugiés pour les gens qui se réfugient à l'ouest. À l'ouest. Il y en a des millions, il y en a des milliers par jour, de plus en, pendant toute la décennie des années 50. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas qu'un jour, la ville sera divisée en deux comme le pays l'a été. Tu sais, parce qu'une ville, c'est un tout. Une ville, c'est une entité géographique complète. Il n'y a personne qui pense qu'un moment donné, on va démolir des maisons sur toute une rue, sur tout un bord de rue pour faire un mur. Ça n'a pas de l'air vraiment très... C'est de l'imaginaire. Personne ne parle exactement, de ça. Exactement, c'est ça. Il y a quelques crises pendant les années 50 qui font peur et qui font en sorte que le nombre de réfugiés va augmenter à mesure que la décennie avance. Mais c'est vraiment en 61, je pense qu'il y avait peut-être des rumeurs qui circulaient. Donc c'est pour ça que les gens, dans l'été 61, il y a des fois, il y a eu certaines journées, il y a eu 10 000, 20 000 réfugiés qui passaient. De l'est vers l'ouest. De l'est vers l'ouest, c'est ça. Les gens passent en métro avec un petit sac à dos. Deux t-shirts, un pantalon. Ça avait pas 100 ans, là, c'est dans les années 60. Il faut faire attention, là. Fait que si vous êtes si vous avez le moindrement un sac dans le métro, on vous la police embarque puis elle vous demande de l'ouvrir. Puis tu deviens genre un criminel. Tu peux déjà te faire tuer, genre Antoine, si t'es sûr. Ok, mais dans les années 60, c'est fou ça. C'est un crime commis dans le code criminel de RDA, ça s'appelle République Flucht. Donc c'est la fuite de la République. Il y a déjà des gens dès 47-48, si tu vas voir sur eisenhoforang.de avec la liste des morts, tu vois qu'il y a des gens qui meurent avant même que la frontière existe pour vrai, parce qu'il y avait déjà des patrouilles qui se faisaient. Mais c'est sûr que, tu sais, comme l'imaginaire, c'est vraiment le mur en 61. Mais il y a d'autres choses aussi. Tu sais, comme toute la frontière inter-allemande, c'est un système qui est en installation depuis 47-48, qui est vraiment consolidé totalement à partir de 52 et qui est terminé avec le mur en 61. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose qui s'est construit, mais que beaucoup de monde ont fait comme « Ah, voyons donc, ça se peut pas. » Un petit mur, ouais, une petite brique, ouais. Mais ça, comment le mur? Il est pas apparu, est-ce, dans une boîte de Cracker Jack, dans le sens? Non. Alors, vous avez... En fait, il y a eu... À l'été 61, il y a eu une espèce de crise entre les deux Allemagnes. Notamment parce que... Tu sais, soyons honnêtes, là, c'est pas des madames de 82 ans qui s'en vont en marchette à l'ouest. Non. C'est des gens qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, mais surtout, ce sont des jeunes qui ont fini leur secondaire et qui voient pas leur avenir dans un pays communiste. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le métro, puis ils sont là. C'est pas nécessairement des gens qui viennent. Tu disais tantôt, tu sais, on faisait tantôt une analogie entre le métro Radisson et le métro Berry-UQAM. C'est pas nécessairement des gens qui vont de Radisson à Berry-UQAM. C'est des gens qui viennent de d'autres régions comme Dresde, comme Leipzig, comme Rostock. Qui sont des quartiers de Berlin? Non, mais des gens qui viennent de d'autres régions de Berlin. OK, de d'autres régions. OK, parce que Berlin est le point central. Puis le monde se dit, ben voyons donc, c'est la même ville. Ils sépareront, ils pourront jamais diviser physiquement notre ville. Puis quand tu dis « il », qui est ben, « il » c'est les Soviétiques, c'est le régime est-allemand. Puis ils construisent petit peu par petit peu. Non. Alors, à l'été 61, il y a des rumeurs. Les rumeurs sont assez vives pour qu'il y ait quand même une augmentation significative du nombre de réfugiés à l'Allemagne, vers l'ouest. Au début du mois d'août, on est vraiment dans une tangente là, de 10 000 à 20 000 personnes par jour. Je peux pas te dire pourquoi ils ont choisi le 13 août et non pas le 18 ou le 18 pourquoi c'était pas le 25 juillet, si on le sait pas. J'imagine qu'il y avait une notion, il fallait avoir du matériel prêt, il fallait avoir des troupes. Donc à minuit, ça c'est un samedi soir, donc il y a des gens qui sont partis. Ben Antoine, écoute bien. OK, on va y aller comme ça là. On parlera de des factuels tantôt, mais vas-y, OK? Imagine-toi que on va faire le party chez Fred un samedi soir. Fred, pour les besoins de la cause, là, on va dire nord-sud, mais il est dans le sud. On est sur la même axe, mais mettons Fred. OK, frère. OK. Ouais, on va chez Fred, on part de là 2 h du matin. Moi, je suis chaud comme un balai. Toi, tu t'es pris une bière vu que t'es mon chauffeur. C'est ça. Ben, il n'y a pas de chauffeur. OK, il n'y aura pas de char. Il n'y aura pas de char. On met l'image. Fred, on arrive pour prendre le métro. Le métro marche pas. OK. Fait que là, en autobus. Là, non, l'autobus marchait pas depuis. OK. Non, c'est ça. Ouais. On va rentrer à pied. Là, on commence à marcher à pied. Puis là, à un moment donné, au boulevard Saint-Joseph, le boulevard Saint-Joseph est séparé par. Il y a des soldats sur le boulevard Saint-Joseph. Avec des fusils. Avec des fusils. Puis il y a un barbelé en plein milieu. Puis là, tu sais, Antoine et moi, on se regarde et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traverse puis on reviendra jamais? Ou est-ce qu'on retourne chez notre chum et Fred puis on lui dit que la frontière est fermée? C'est ça qui s'est passé. Mais le monde qui traversait, il se faisait tuer, là? Non. On n'est pas là-dedans encore. Okay. On n'est pas là-dedans encore. Mais quand je te dis que c'est arrivé de façon soudaine, subite et inattendue, comme je dis à mon travail dans les assurances... C'est ça. Ouais, puis dans la tête du monde, c'est peut-être, il y a peut-être, je sais pas, une opération quelconque. Oui, non, comme mais c'est ça. Parce qu'il y a eu quelquefois des journées que ça a été fermé comme ça, un peu de ce genre-là. Fait qu'il y a des gens qui ne sont pas méfiés. Non, on va retourner dormir chez Fred, puis on reviendra demain matin. Là, exactement, c'est ça. Ah. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre. Mais le matin, non. Là, le barbelé, ils ont commencé à mettre une clôture. Puis là, il y a de plus en plus de soldats. Puis là, c'est comme... Non. Il y a quelque chose, là. Il y a eu des jours qu'il y a eu des gens qui ont pu aller de l'ouest à l'est. Mais l'inverse n'a jamais été vrai, sauf si tu avais une carte d'identité de l'ouest. OK? OK. Mais oui, il y a des gens qui, comme dans mon anecdote, ils se sont levés le matin avec leur blonde, puis sont allés à la frontière, puis c'était fait. Il y avait un barbelé, puis le gars, il a dit à sa blonde, ben ma mère est à l'autre bord, fait que je vais aller chez elle. Parce que là, ils pouvaient encore passer un peu. Oui, mais le gars, il est allé chez eux, puis... Ouais, tu viendras me rejoindre demain ou la semaine prochaine. C'est ça. Puis là, le barbelé tranquillement devient une brique. Le barbelé devient un brique, un mur, une clôture, un mur. Puis ça a duré 28 ans. Pas la construction. Non. Alors, on est au début, là, on est en 61. Ça a pris quelques heures, bloquer toute la ville. Ça a pris quelques semaines, voire quelques mois, pour faire tout ce qu'ils voulaient avec ce qu'on a appelé le premier mur. Ça, le premier mur, il y a beaucoup de photos qui restent en noir et blanc. Peut-être dans la littérature, peut-être dans les souvenirs des gens à l'étranger. C'est surtout le troisième mur. Ce qu'on a connu à l'étranger, surtout dans les photos en couleur, parce que c'est le troisième mur construit en 76. Étant, parce que là, attends, premier mur, là, OK, revenons, pas trop vite. 61, Joe et Antoine se rendent chez Fred dans l'Allemagne de l'Est. On est sa brosse. Bon, là, on parle en images, là. Arrive pour sortir, ben, pour retourner dans l'Ouest. Donc, ben, c'est fermé. Si on avait nos cartes d'identité, c'était correct. On pouvait passer. C'était correct. Mais mettons que les avaient oubliés chez vous. Qu'est-ce qui se passait? Ça, il aurait fallu que quelqu'un te sorte de là parce qu'il t'aurait jamais cru. OK. Mais c'était très oppressant. Tu pouvais pas passer. Non. Puis là, le premier mur, deuxième mur, troisième mur. Mais c'est-à-dire que le mur est renforcé avec les années, mais le premier mur est assez rudimentaire, c'est de la brique avec du barbelé. Il n'est pas très haut non plus. Il utilise des matériaux qui font partie aussi des bâtiments qu'on va démolir pour suivre la... Parce que le mur suit la ligne de démarcation des secteurs. Donc, on utilise des matériaux qui sont là. Et à mesure que les années vont passer, on va le renforcer pour empêcher les évasions. Et le mur qu'on a connu beaucoup, parce que c'est lui qui est tombé, c'est le mur de 1976. Qui est quand même 15 ans plus tard. Oui. Mais en 15 ans, la pression continuait de se faire. Enfin, il y avait peut-être pas un mur physique très impossible, mais il y avait un mur psychologique. Là. Personne ne partait de l'Est puis allait à l'Ouest. Là. Mais en fait, t'as toujours eu des gens qui ont voulu tenter de partir. Toujours. Mais tu sais, écoute, après... Tu sais, Antoine, quand... non seulement il y a un système pour t'empêcher de traverser, avec des fossés anti-chars... Il y a deux murs. Excusez, je l'ai vu là. Ouais, pas de stress, on est en train de... Regarde. Ouais, c'est ça, OK, tu vois les couches du... Excusez, là, mais... Ouais, on est en audio, mais en visuel. Anyways, allez dans les show notes, là, sur le site web. Parce qu'on est en train parce que je suis en train d'y montrer, là. Ouais, ça, on a un beau diagramme. Ben, c'est ça, okay. J'y montre le diagramme du mur. Donc, tu vois toutes les étapes-là. Ah! Ça, c'est le mur de 76. OK, full-fledged. Tu veux pas... Ben, en fait... Ben, là, tu vois, si tu pars de là vers là, c'est fait pour que tu sois pas capable d'arriver vivant à l'autre bord. Ouais, des barbelés, un petit peu plus de barbelés, une tour de garde. D'après moi, c'était pas un monsieur avec des jumelles qui était dedans. Il y a des mines. OK. Puis le gars doit te tuer. La loi dit que si tu traverses la frontière là, tu dois être tué. C'est même pas la peine de mort, là. Non, non, on va s'organiser ou tu meurs. Non, c'est le gars, il sort son gun puis il te tue. C'est en 70, ça, là. Mais oui. C'est pauvre, là. Le dernier qui est mort, c'est Chris Geoffroy, en février 89. Qui est frité. Okay. Premièrement, Antoine, je vais te corriger. Donc, c'est pas que le mur est construit au complet en 76. C'est que le mur est assez perfectionné pour qu'en 76, il est considéré pratiquement comme infranchissable. OK? Et ça, en fait, tu le vois également en regardant les statistiques. Tu vas le voir aussi en regardant les statistiques de tentatives de traversée, les années qu'il y a eu des victimes, le nombre d'arrestations qu'il y a eu. Mais essentiellement, plus les années passent, moins il y a de gens qui tentent de traverser. OK? Si on parle du début de la fin, on peut le situer avec la récession du début des années 80. Okay? La main de l'Est commence à manquer d'argent. Elle s'endette beaucoup. Il faut savoir que le mur, notamment la facture d'électricité de la frontière, parce que c'est pas seulement le mur, c'est aussi la frontière, tout le côté entre, mettons, entre la Bavière et la Thuringe, entre la Saxe-Anhalt et la Basse-Saxe, tout ça, là, bon. Lorsque, mais c'est très cher, les équipements à remplacer, c'est très cher également. Donc, on a... On a également tout ce système qui est installé à mesure que ça coûte des milliards par année. OK. La Bangladesh est un pays communiste, hein? Donc, il n'y a pas de... OK, c'est pour ceux qui écoutent en audio, Joe... Non. Ok, pas la. L'Allemagne de l'Est, c'est un. L'Allemagne de l'Est, c'est un pays communiste. Pardonnez-nous. Évidemment, il n'y a pas d'accès à libre marché. En effet. Donc, c'est très dur. Là. Ok, l'Allemagne de l'Est se trouve être très endettée et en crise économique. Ok, mais évidemment, le régime cache tout. On essaie d'emprunter à l'Ouest. L'Ouest va prêter de l'argent. Alors, c'est un côté, le côté politique. À ça, j'ajouterais que c'est l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Quand Gorbatchev arrive au pouvoir en Russie, en Union soviétique, mais en fait, lui, il veut non seulement libéraliser le régime, je rappelle qu'au début, il ne pensait pas qu'il allait s'effondrer, mais aussi, il veut laisser plus de liberté aux pays qu'on appelait les pays satellites, notamment la RDA. Mais la RDA, elle, avec Erich Honecker au pouvoir, la RDA sait très bien que sans le mur, il n'y a pas d'RDA. Sans communisme, sans mur, il n'y a pas d'RDA. Donc, le pays va tenter d'éviter toute réforme au point où tu auras même de la censure de médias soviétiques qui sont pro-glasnost et perestroïka, qui sont la transparence et la restructuration pour refaire le régime. Okay. Et c'est d'autant plus évident que les autres pays, eux, évoluent. Vous savez, il y a déjà, en Pologne, il y a déjà eu le syndicat Solidarité, Solidarność, qui milite pour une plus de démocratie et qui a fait en sorte que la Pologne a été en état de guerre de 81 à 83. Là maintenant on a la Hongrie. La Hongrie qui tente de s'ouvrir un peu au monde. Et c'est ça qui fait en fait l'ouverture. En mai 89. Ok, là on vient de sauter comme beaucoup d'années. Mais 28 ans que le pays était assez sclérosé. En mai 80. En fait, c'est que les pays aux alentours, eux, commencent à goûter un petit aux peu plus. Western ideas. Un petit, tu sais, au compte-gouttes, là, mais... si on parle de mai 89, il y a deux choses, en fait. D'un point de vue interne... T'sais, vous savez, c'est peut-être moins compris ici, là, mais dans les pays communistes, il y avait des élections. Okay? Wow, intéressant. Bon, évidemment, les élections, évidemment, on connaît le gagnant à l'avance. Là. Mm. Puis c'était toujours des élections des candidats communistes à 99%, élus par 99% de participation, on sait ça. Entre guillemets, il n'y avait pas d'élection. Mais bon... En Amérique de l'Est, le 7 mai 89, il y a eu des élections municipales. Et dans la loi électorale, ça disait que tout citoyen peut servir d'observateur pour compter le compte. Et compter le nombre de votes. Exactement. Okay. Et là, ces groupes dissidents-là qui se sont concertés pour devenir des gens qui pourraient observer les élections, ils ont constaté de nombreuses irrégularités. Donc, ils ont découvert qu'il y avait une fraude massive entre qu'est-ce qu'ils ont compté et qu'est-ce qui a été annoncé. Genre, mettons, là, tu sais, comme il y avait 85% de votes pour le candidat communiste, alors que le résultat officiel disait 99%. On n'était pas en train de dire que... C'était pas des grenailles de pourcentage. Non, mais tu sais, on n'était pas en train de dire que il y avait des tu sais, il y aurait eu des candidats indépendants élus. Mais au moins, le régime avait beaucoup moins d'emprise que les gens avaient, qu'ils essaient de faire croire. Mm-hmm. En parallèle de ça, on a la Hongrie qui décide que le rideau de fer, donc la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, décide que le rideau de fer ne serait pas serait démantelé progressivement. Donc, à ce moment-là, les gens apprennent ça par les médias ouest-allemands qui sont consommés. Ben, la télévision ouest-allemande est très consommée à l'Est. Les journaux sont interdits, mais on peut facilement, avec une antenne, on peut facilement consulter. Non, parce qu'ils peuvent pas, dans le fond, ils peuvent pas empêcher les ondes hertziennes. Exactement, okay. C'est ça. La radio aussi, fait que la les radio gens... aussi, c'est ça. On a un. Et là, le 4 juin 89, on va en Chine. On, définir, je on. Je vous amène en Chine. OK, on s'en va. OK, toi puis moi. Les auditeurs. Qu'est-ce qui se passe en Chine le 4 juin 89? Le 4 juin 89, c'est le massacre de la place Tiananmen. Et les dirigeants est-allemands disent que félicitent la Chine pour avoir massacré les étudiants qui combattaient pour plus de liberté. Est. Est, ok, pardon, est allemand. Et donc, beaucoup de gens à la main de l'Est se disent si on prend la rue, on est averti, ils vont nous massacrer. Mm. Donc, l'été, il ne se passe pas grand-chose en Allemagne de l'Est. Mais il y a beaucoup d'Allemands de l'Est, comme tous les étés, qui vont en vacances en Hongrie. Mmh. On part en voiture ou en avion, on va à Budapest. Combien de temps, mettons, en voiture? Bon, c'est peut-être... Berlin-Prague, c'est 400 km, donc Budapest, ça peut être 1000. Mettons, une journée, c'est... Montréal-Toronto, mettons, là, dans une... Montréal-Toronto, c'est 500. OK, bon, fois 2. Saguenay-Toronto. Ouais, c'est ça, Saguenay-Toronto. Chicoutimi, Toronto, c'est correct. Oui. Ça fait 1000 km, okay. En effet. C'est bon. Mais là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a de plus en plus d'Allemands de l'Est qui décident que non, ça marche pas. Alors, les gens se réfugient dans l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest, à Budapest, à Prague, à Varsovie également. Mais c'est surtout à Budapest, parce que les gens... Et là, ça crée une crise des réfugiés un peu semblable à l'été 61. Ou est-ce que le gouvernement est-allemand est obligé de faire quelque chose? Mais à Berlin-Est, on nie. C'est pas un problème. Ce sont des traîtres. Au pire, allez, qu'ils s'en aillent. C'est la faute de l'Ouest qui veut les acheter. C'est la faute de l'Ouest qui veut les corrompre. Donc, à ce moment-là, l'été passe, les gens sont de plus en plus amassés dans ces ambassades-là. Il y a beaucoup plus, de plus en plus de gens qui tentent de rejoindre Budapest ou Prague pour y aller. Et en septembre, le 10 septembre 90, le gouvernement de Hongrie décide que tous les gens qui sont, tous les Allemands de l'Est qui sont en réfugiés, en attente, de transit ou peu importe, ils peuvent aller directement en Autriche. Donc la frontière est ouverte, les gens partent en voiture ou sinon il y a des trains qui sont organisés, mais les gens partent. On part via l'Autriche, on s'en va vers la Bavière. Bon. Je suis mélangé dans mes dates, là. Je pense que... Je ne suis pas sûr si c'est en septembre ou c'est en octobre. C'est pas grave, même s'il n'y a pas les dates exactes, là. C'est juste que finalement, tu as du monde de l'Est qui trouve une manière de... Exactement. Et par après, ce sera les gens de... Par après, ça va être l'ambassade de Prague qui est prise d'assaut, même chose. Il y a un film allemand d'ailleurs là-dessus, mais c'est Die Prager Botschaft. Mm-hmm. Et il y a un grand. En fait, Sur YouTube, tu peux le voir, là, t'entends le ministre Genscher qui dit que je suis venu vous dire que votre... Ministre de quelle place? Le ministre de l'Ouest. OK, le ministre de l'Ouest. Qui vient dire à la foule, qui dit « Je suis venu vous informer que votre départ de l'Est, que votre départ a été confirmé. » Et là, c'est la foule est en liesse, hein, parce que c'est tout ce que ces gens-là demandaient, c'était pouvoir partir. Et là, en fait, en parallèle de ça, à la maison, notamment dans la ville de Leipzig, qui est à près moins de 200, ben, pas 200 km de Berlin, qui est la deuxième ville d'RDA, vous avez de plus en plus de manifestations, notamment les lundis, qui s'amassent. Au début, on parle de quelques dizaines de quelques personnes, ça devient des dizaines, des centaines, et bon. Dans l'Est. Dans c'est... l'Est. OK, dans l'Est. Mais c'est toujours à Leipzig, presque tout le temps. Et là, le 10 octobre, en fait, ok. C'est pas grave même si t'as pas les le 7 octobre, ok, jour, non. On est voilà. Le 7 octobre, très important. Mm-hmm. Le 7 octobre, c'est la fête nationale de RDA. Qui est RDA Est. Oui, parce que le 7 octobre, c'est l'anniversaire de la fondation du pays, qui a 40 ans. Gorbatchev vient à Berlin-Est, il y a un gros défilé. Mm. La police, ça, si vous avez vu Goodbye Lenin, la scène du début, quand la mère perd de connaissance, c'est exactement là. Okay. Parce que la mère, elle est, c'est là. La mère, elle perd connaissance quand elle voit son fils arrêté et battu par la police en marge des célébrations du 7 octobre 89. Ah, OK! Bon. Oui, ben oui, Goodbye Lenin. D'ailleurs, Goodbye Lenin, Yann Tiersen. Qui a fait la musique, compositeur français, petite parenthèse, je suis en train d'essayer de l'avoir sur le podcast. Quand Gorbatchev arrive là, il dit aux dirigeants est-allemands, il va leur dire, écoutez là, ceux qui sont en retard sont punis par l'histoire. Tu sais, c'est ça qu'il dit. Et là... Pour faire un peu un contraste avec la violence avec laquelle la police est-allemande, la Volkspolizei et la Stasi a réprimé les manifestations du 7 octobre, les manifestations du 10 octobre à Leipzig sont au contraire peu réprimées. Et il y a quelqu'un, il y a un général de la Stasi, ou bon, mon général peut-être, faudrait voir sa position dans l'organigramme, là, mais qui décide que non, ça ne se terminera pas, ce ne sera pas Tiananmen numéro 2, ce sera, on ne tirera pas. Donc, l'histoire retient qu'il a refusé de tirer chez les manifestants. Et donc, à partir de ce moment-là, ça donne un peu une espèce de légitimité aux manifestations. Parce que les gens savent, mais les gens n'ont plus à craindre pour leur vie lorsqu'ils sortent de manifester. En parallèle, la visite de Gorbatchev a donné des ailes aux gens du Parti communiste, du SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, donc le SED, Socialistische Einheitspartei Deutschlands, qui, alors c'est ce parti-là, qui, alors le parti, donc il y a une décision qui est faite de se débarrasser de Erich Honecker. Qui est? Qui est le dirigeant est-allemand depuis 1971. Donc le matin du 18 octobre, il y a l'Assemblée du Politburo, qui est le bureau politique, c'est l'instance suprême d'un parti communiste, qui est réuni, et quelqu'un lève la main, dit « Je propose la démission du camarade Honecker. » Et là, ben, parce que dans un parti communiste, on prend tout à l'unanimité, Honecker lève sa main et vote pour la mesure. À 2h27, dans le bas de l'écran de la TV, il y a une petite note en bas, pendant un film western, qui dit que Honecker a démissionné pour des raisons de santé. Et il est remplacé par Egon Krenz. Qui est Egon Krenz? Egon Krenz, c'est le dauphin d'Erich Honecker, s'il a toujours été son bras droit, tellement qu'en juin, quand on parlait de la place Tiananmen, c'est lui qui a dit que la solution chinoise était la bonne idée, était la bonne chose à faire contre les manifestants. Donc, les gens, tout de suite, savent qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement-là. Donc, les manifestations augmentent et les départs légaux comme illégaux vers la Tchécoslovaquie et la Hongrie augmentent pour aller dans les ambassades. Éventuellement, la crise, éventuellement, les réfugiés dans les ambassades seront un embarras pour la RDA au point où la RDA sera obligée d'accepter que ces gens-là soient transférés. Comment on fonctionne? C'est qu'on envoie des gens dans des trains. On fait passer ces trains-là par la RDA et on explique que ces gens-là sont expulsés. Ça donne lieu, d'abord, les gens sont très contents d'être expulsés, donc en fait, c'est comme ça backfire dans un sens. Puis dans un autre, ben en fait, ça crée des manifestations monstres près des gares où est-ce que ces trains-là vont passer. Les Freiheitszüge, donc c'est les trains de la liberté, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et quand ces trains-là arrivent à Hof, en Bavière, les gens sont reçus comme des citoyens ouest-allemands, on leur donne de l'argent, on les aide à se trouver un logement, etc. Il faut savoir que pour ces gens-là, ce sont des Allemands, c'est c'est de la famille, ce sont des Allemands comme les autres. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. Il y en a eu un petit peu, mais... Ils sont aussi un peu victimes. Mais c'est pas comme si... c'est de la famille, c'est comme un peu de la famille élargie. C'est pas... Est-ce qu'il y avait une dualité dans le sens d'un pays limitrophe de... Je viens de l'Allemagne de l'Est. Est-ce que t'étais... Ben, t'es allemand, tu sais. Comme, il n'y a pas de différence où il y avait une certaine... Même à la limite, il y avait une certaine sympathie des gens qui accueillaient ces gens-là dans les pays limitrophes en disant, ben, garde, tu viens de l'Allemagne de l'Est, on sait dans quelle merde tu viens de te sauver, on va t'aider. Ben non, mais là, ça dépend, Antoine, comment tu le vois, là. Tu sais, comme... Une anecdote qui est racontée, c'est quand les gens allaient en Hongrie... Tu sais, les gens se demandaient « Are you German? Federal or democratic? » Quand la personne disait « démocratique », ben, elle allait dans une salle à manger X, mais Federal avait un service 5 étoiles parce que Federal était riche, alors que démocratique, qui était l'Est, elle n'était pas nécessairement. Donc, tu sais, c'est un peu le même principe. Oui, on a une sympathie pour ces gens-là qui fuient une dictature, mais ça reste que, tu sais... À quel point c'était deux Allemagnes divisées. Souvent, les gens, c'était dur de le mesurer tant que les gens ne vivraient pas ensemble. Donc, mais pour l'instant, c'était deux passeports. Il y avait un vert pour l'ouest et un bleu pour l'est. Et le bleu pour l'est, ben excusez, mais il y avait un mur. Fait que si tu voulais sortir, ça prenait soit des contacts, soit une bonne raison, ou sinon, ben, tu étais tiré. Si t'étais ou bien de la... il y avait bien de l'argent. C'était-tu possible d'acheter? Avais-tu... Ben, pas nécessairement d'acheter, mais tu sais, mettons... Non, c'était non. Pas... Ça fonctionnait pas comme ça. C'était pas un... Il y avait des règles strictes, là. C'est comme... Pour avoir un visa de sortie. Mais généralement, c'était refusé. Tu sais. Puis il y avait un... Donc... Lorsque tu arrives avec un... Donc, la crise des réfugiés continue. Et là, ben, le gouvernement allemand décide, pour se faire sortir la vapeur un peu, décide de permettre une manifestation légale d'opposition qui n'a jamais arrivé. Donc, c'était le 4 novembre à Berlin. C'était partout. Ben, il y a eu à Berlin, il y a eu 1 million de personnes sur les Centerplatz. Mais il y a aussi eu dans plusieurs villes du pays également. C'était un... Quelle année, ça? Non, on est encore 89. OK. Et là, ben, qu'est-ce que les gens demandent? Ben, bon, il y a peut-être un running gag sur les bananes, là, parce que c'est la banane est le symbole d'un produit qu'on trouvait difficilement. Dans l'Est. Dans l'Est. Mm. mais on parle surtout de voyage. Puis tu sais, quand on dit voyage, là, tu sais, c'est pas que les gens veulent aller nécessairement faire des safaris en Afrique, là. Mais tu sais, vous habitez dans une ville où est-ce que vous n'êtes pas capable d'aller en métro à l'autre bout. Tu sais, oubliez pas ça. Tu sais, comme vous n'êtes pas capable de tu sais, il y a à Berlin-Est, sur Alexanderplatz, depuis 69, je pense, il y a un monument qui s'appelle la Weltzeituhr, l'horloge universelle. C'est une horloge qui donne en même temps l'horloge de tous les fuseaux horaires du monde. Et là, vous rendez-vous compte de l'ironie de ça, c'est que vous êtes capable de voir l'heure qu'il fait à Shanghai, mais vous n'êtes pas capable de faire 2 km pour aller dans la même ville. Et presque toutes les villes marquées sur l'horloge, vous n'êtes pas capable de les visiter parce que votre pays vous interdit de sortir. Et cette horloge-là était dans l'Est. Oui. Fait que c'est un modèle à, je veux dire, tu sais, fallait prendre le monde un peu pour... Prenez le monde pour des caves un peu en haut. Là. C'est bon. Puis après ça, on avait... fait que le gouvernement sait très bien que nonobstant les problèmes économiques, nonobstant les problèmes politiques, la question du voyage est un problème. La question des déplacements est un problème. Donc, on travaille sur une loi pour donner le droit aux gens de voyager. Le 8 novembre, c'est le gouvernement. Dans la semaine après, il y a eu des missions au gouvernement. Et là, arrive le 9 novembre 89. Le 9 novembre 89, c'est une journée. C'est un jeudi. 9 novembre, excusez-moi, j'ai mal. Oui, le 9 novembre 89, c'est un jeudi. Et là, il y a une conférence de presse qui est préparée, qui est supposée avoir lieu à 18h au centre de presse habituel, comme c'est souvent le cas. La télévision va le retransmettre en direct. Ce qui n'est pas toujours, ce qui est quelque chose de relativement nouveau, mais tu sais, le gouvernement essaie différentes formules pour démontrer qu'il change. Le gouvernement. Donc, la loi dit que dès le 10 novembre à 4h du matin, les Allemands de l'Est pourront, sans complication, demander des passeports et des visas pour aller à l'étranger, que ce soit pour des séjours temporaires ou permanents. Donc, de facto, aller dans l'Ouest. Oui. La loi, elle est écrite, signée, tout est prête, et on la donne à quelqu'un qui s'appelle Gunter Schabowski. Gunter Schabowski est un élu communiste, là, bon, OK, de Berlin-Est, OK, c'est aussi le porte-parole du gouvernement. Alors, lui, il se présente devant les gens à 18h. Il fait son point de presse. Il parle de plein de choses, de productivité, des missions du gouvernement, etc. OK? Il y a la presse mondiale qui est là également. Il n'y a pas seulement la presse estamante qui est là. Et là, à la fin, il sort un autre papier de sa poche, puis il dit: ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ça, il faut parler des règles sur les voyages. Mais là, on l'a pas briefé dans son... L'histoire dit qu'il n'a pas été briefé avant d'aller faire la conférence de presse. Donc, il commence à lire la règle et quelqu'un demande jusqu'à quel moment ça entre en vigueur. Et là, il dit, ben, selon moi, c'est selon ce que je comprends du document, c'est immédiatement. Alors, la nouvelle, il y a quelques journalistes, notamment un journaliste de l'agence italienne ANSA qui demande de répéter. Après ça, on lui demande si ça inclut le mur de Berlin. Et donc, les médias de l'Ouest, qui sont beaucoup plus consommés à l'Est que les médias de l'Est eux-mêmes, reprennent ça rapidement, notamment à 19... Tu sais, comme ça prend à peu près 20 minutes, puis CDF le présente déjà dans son bulletin Reuters. Même si la télévision est-allemande va tenter de corriger le tir en disant que Dès demain, les gens pourront... Non, il est trop tard. Le mal est fait. Les gens se présentent tranquillement. C'est lentement au début, mais à partir de 9h30, 10h, il y a beaucoup de gens au poste frontière pour traverser. Et là, les gens disent « Non, ça fait 40 ans que vous nous tapez sur la tête. Il n'y a pas question, non. On ne retourne pas chez nous. » À la TV, ils disent qu'on peut sortir. Et là, au poste frontière Bornholmer-Strasse à Berlin, il y a le commandant du poste frontière, c'est un monsieur qui s'appelle Harald Jäger. Et là, Harald Jäger, lui, il appelle ses supérieurs et il n'y a pas d'instruction. Il ne sait pas quoi faire. Éventuellement, quand il rejoint quelqu'un, on lui dit « Ben, t'as juste à les expulser d'RDA. » Et les envoie où? Ben, en fait, expulser, ça veut dire simple. Ça veut dire que tu mets une photo, tu mets l'étampe des douanes sur la photo de la carte d'identité. Donc, le douanier est allemand, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse rentrer cette personne-là. Mais lui, il veut juste colisser son camp. Mais lui, c'est un soldat. Il fait sa job, lui, là. Uh-huh. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les têtes fortes qui crient, les envoyer l'autre bord, ça va être réglé. Fait que là, ah, tiens-toi. Ah, vous deux, tiens, allez-y. Bon. Et là, ces gens-là passent à peu près. Bon. L'histoire dit que une fois que les gens ont fait le tour du bloc, ils reviennent. Puis là, ben là, on dit, mais voyons donc, mais on voulait juste voir l'autre bord. Hein. C'est correct, là, c'est réglé. Mmh. Les enfants, donc, finalement, ils ont laissé passer. Mais bon, à 23h15, le soir, ce jeudi soir-là, plus vieux de mois novembre, mais finalement, il dit, ben, il n'y a pas le choix, comme il lève la barrière. Et c'est fini. C'est la fin. C'est ça la fin, Antoine. Mais là, les gens arrivent puis défoncent le mur aussi. Ben, on voit les images qu'on voyait là. Ça, c'est plus tard dans la nuit, mais surtout dans les jours après. Parce que une fois que la radio annonce que tel poste frontière est ouvert, ben là, tu sais, tous les postes frontières à travers Berlin vont ouvrir. Et les gens tout ceux de l'Est veulent aller à l'Ouest, puis ils font... Oui, c'est pas nécessairement immédiat, la même journée. C'est pas nécessairement non plus pour toujours. Mais je peux sortir, puis je peux rentrer. Exactement, c'est ça. C'est ce que les gens ont voulu pendant 28 ans, et là, ils l'ont. Qu'est-ce qui est beau de ces journées-là? C'est que... tu sais, à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest donnait 100 marques aux gens de l'Est quand ils venaient visiter. Donc, les gens font la file dans les banques pour aller chercher le 100 marques. Et après, ils vont au McDo. Ils vont s'acheter un radiocassette. Ils vont s'acheter des jeans. Toutes sortes d'affaires qu'ils n'ont pas chez eux. Dans l'Est. Puis c'est ça leur début de la société de consommation. Puis, évidemment, très rapidement, le régime s'effondre. C'est-à-dire que Egon Krenz va céder sa place à Hans Modrow. Qui était Egon Krenz? C'était le nouveau dirigeant depuis le 18 octobre. De l'Est. Oui, en décembre, il va céder sa place à Hans Modrow. Qui est quelqu'un de vu comme un réformateur. Mais là, dans Berlin, il n'y a plus vraiment de poids, dans le sens que l'Est est... Je veux dire, il y a une frontière imaginaire, mais... Non. Là, tu continues ça. Là. Ça, le 18 mars, tu as des élections libres en RDA. Le 18 mars, c'est ma fête, en plus. Hein. Ouais, mais t'es loin, là. Tu sais, quand tu vois 9 novembre, 18 mars, c'est quand même plusieurs mois entre les deux. Oui, en effet, bien sûr. Et là... Il y a une entente qui est signée entre les deux pays et le 1er juillet 90, il y a une union douanière, monétaire et sociale entre les deux Allemagnes. Donc, ça veut dire que les deux Allemagnes, il n'y a plus de contrôle frontalier. Donc, c'est là qu'on démanche le mur pour vrai. Mm-hmm. Qui démanche le mur? Les citoyens de l'Est et de l'Ouest ou juste ceux de l'Est? C'est les deux, mais c'est surtout des pelles mécaniques, là, soyons sincères. Ah, mais on voit, quand on regarde, on voit les images. Là, oui, mais ça, c'est les premiers jours. Là, mais après ça, tu vas avoir... les gens vont... L'Allemagne de l'Est va passer au Deutsche Mark, donc la monnaie de l'Est. Donc, automatiquement, tout le monde s'enrichit parce que les Allemands de l'Est avaient beaucoup d'argent. Vu qu'il n'y avait rien à acheter dans la banque, les Allemands de l'Est avaient beaucoup d'argent à la banque. Puis là, tout d'un coup, ça devient du dollar utile, même accessible dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Fait que là, on allait. Clever. Fait que là, on pouvait s'acheter une TV couleur chez Saturn. On pouvait s'acheter, tout ça. Okay, fait que là, t'as peu, là. Fait que là, pendant 20 ans, Bibi puis Baba ou whatever, là, je sais pas, les John and Johnny, ils vivent, puis eux, ils ont du cash qui traîne à la banque, mais là, c'est juste utile dans l'Allemagne de l'Est. Puis là, à cette heure que l'Allemagne de l'Ouest, ouais. Fait que dans le fond, quand que le mur est tombé, tout le cash flow qui venait, mettons, du régime communiste de l'Est devenait... Fait que finalement, ta monnaie que t'avais dans l'Est pendant 20 ans qui valait sweet fuck all, ils ont flippé ça puis ils ont dit, ben regarde, nous, on l'accepte dans l'Ouest puis venez vous acheter des babouches puis des TV couleurs, c'est ça? Ouais. Des jeans, puis des... 56 000 affaires. Tu sais, et là, ben... ben, en fait, là, c'est la fin, là. Parce que t'as plus de communisme, t'as plus de... Fait qu'il reste quoi... À Berlin, en fait. Parce que... La main de l'Est non plus, donc il reste quoi, ce pays-là? Rien. Donc là, il va y avoir des ententes qui vont être signées pour... On va négocier la réunification qui va entrer en vigueur le 3 octobre 90. Donc tu vois, c'est même pas passé un an. C'est passé, c'est 11 mois, mais en 11 mois, c'est fini. Mais c'est quoi aujourd'hui, mettons, les impacts? Pas nécessairement les impacts, mais... Vu que tu as visité Berlin, c'est un peu la maison chez toi à Berlin, on vient de passer, mettons, à travers les trois heures qu'on vient d'enregistrer, on vient de faire un peu le recap de l'histoire de cette ville-là. Ça ressemble à quoi, mettons? Un touriste, là, mettons, moi qui n'ai jamais visité Berlin, qui arrive, ça se sent-tu encore? Y a-tu encore une grosse différence entre... mettons que là tu m'as raconté ça ou ceux qui ont t'as des styles d'architecture Antoine, tu sais, quand tu parles pas l'allemand, la première chose que tu peux remarquer, c'est que tu vas avoir des styles d'architecture qui vont être un petit peu différents. Ok, tu vas avoir tu sais les panneaux qui c'est marqué les noms de rue là. Ils peuvent être différents aussi, différents de l'Est et l'Ouest aussi. Mais c'est quand même des détails, là, dans le sens. Quand tu regardes une image satellite de Berlin, tu peux remarquer les lampadaires entre les deux parties de la ville sont différents. Pourquoi? Parce que... C'est pas les mêmes ampoules. C'est pas les mêmes ampoules, aïe! Berlin-Est avait gardé son tramway. Berlin-Est l'avait démantelé jusqu'en... Tu sais, en 67. Après 67, il n'y a plus de train... Tramway dans l'Ouest, dans l'Est. Oui, c'est ça. Donc, après 67, il n'y avait plus de tramway dans l'Ouest. OK? Parce que, tu sais, il y avait beaucoup de voitures, alors que dans l'Est, on a toujours gardé le tramway. Là, le tramway est prolongé où est-ce qu'il a déjà été dans l'Ouest, là, mais l'idée, c'est que, tu sais, si tu regardes le plan de tramway de Berlin-Est, de Berlin, c'est presque uniquement dans l'Est. C'est sûr que dans la mentalité des gens, il y a quand même des changements. Là. Mais tu sais, comme dans les jeunes, écoute, Antoine, tu sais, comme toi, t'as 27. Il n'y a pas de différence entre les deux. Là. T'sais, comme t'as 27 ans, t'as pas ce background-là. T'sais, même quelqu'un comme moi qui aurait 38, tu sais, comme tu l'as pas assez connu pour avoir vraiment une différence. Mais par contre, si t'es né en 54-55, tu sais la différence. Tu sais la différence. Tu sais, puis c'est ça. Tu sais, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest sont encore, je pense, que c'est 30% de différence de niveau de vie. C'est-à-dire l'Ouest est plus riche? Oui, l'Ouest est plus riche de 30%. C'est quand même beaucoup là quand tu penses à ça, les voitures, les maisons, tout ça, tu sais. Surtout que le salaire, mettons, annuel est quand même bas là, là-bas, dans le sens, c'est pas long que... Souvent, on parlait de ça quand on jasait ensemble, mais le salaire annuel moyen en Allemagne est quand même bas. Là. Oui, mais quand tu regardes la différence entre les Länder, tu vois que les nouveaux Länder, donc les l'Est, c'est beaucoup plus petit. C'est comme c'est 30%. Donc, t'as les pensions, tu sais, comme... Ben, en fait, généralement, le calcul de pension de retraite est différent entre les deux. Mais, tu sais, tu vois facilement comment ça peut créer une certaine différence. Là. On l'a vu, par exemple... ben, tu sais, comme beaucoup de gens qui se sentent délaissés par le système ou les gens qui ont été alliés de l'ancien système continuent à voter pour le parti successeur du Parti communiste, donc du SED, qui est dédié Die Linke. Malheureusement, ça crée aussi une clientèle qui est favorable à des partis d'extrême droite comme l'AfD, Die Alternative für Deutschland. Il y a encore... C'est encore divisé, dans le sens... Il y a quand même encore un portrait, c'est les minorités qui parlent entre eux, mais il y a encore quand même dans ces minorités-là des tangentes très, très, très polarisées entre la... J'utilise pas ce terme-là souvent, mais mettons la gauche et la droite. Là. Fait que t'as encore du monde... Ben, les comportements électoraux entre les deux parties du pays sont différents. Puis généralement, c'est beaucoup perçu. C'est sûr, une question de génération là-dedans. Mais on peut dire que c'est l'Ouest qui a absorbé l'Est. Il n'y a pas eu. Ça se comprend. Parce que c'est le système de l'Ouest qui a été transposé de l'autre bord. Mais, tu sais, comme à part, mettons, tu sais, comme Angela Merkel qui venait de l'Ouest, qui venait de l'Est. Mais généralement, tu sais, comme on est encore dans un mode où c'est géré selon la manière de l'Ouest, ça veut pas dire que c'est la mauvaise manière de fonctionner. Mais quelqu'un qui a un certain âge, ça veut pas dire que c'est dans son... ça veut pas dire que c'est nécessairement sa manière de fonctionner. Mais en même temps, tu te dis, ben là, si t'as vécu en dictature... Ça s'influence les comportements de l'électorat général de l'Allemagne. Oui, c'est sûr. Puis mettons juste, mettons pour terminer ça, tu sais, vu qu'on a parlé de l'histoire de l'Allemagne et tout, plus principalement de la division Est-Ouest à Berlin, mettons advice for travelers. Comme qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent aller visiter Berlin? Qu'est-ce qu'il faut commencer par voir? Si vous êtes des passionnés d'histoire... Non, mais c'est important de voir tous les lieux que ça s'est passé. Donc, tu sais, comme tu as le mémorial à Bernauer-Strasse, il y a le centre d'interprétation, mais il t'explique tout comment le mur était fait, tu as une section, comment c'était. Donc, tu peux voir tout l'appareil de répression. OK, même chose si tu vas au Stasi Museum à Lichtenberg, au métro Magdalenenstrasse. Donc tu vois comment la Stasi, la police secrète est-allemande, contrôlait les gens. OK, il y a aussi une prison à voir à Hohenschönhausen dans le nord-est de la ville. Donc tu peux voir exactement comment c'était quand tu tombais dans les mauvaises grâces du régime. Maintenant, faut pas oublier que, comme un peu la mère dans Goodbye Lenin, tu sais, c'est bien beau que tu habites en dictature toute ta vie, mais tu as eu quand même du bonheur dans ta vie, peu importe, OK? Puis il y a des histoires de comme du café mocha fixe, puis du pourquoi tu avais un divan brun, puis tout le voisin avait le même divan brun parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le catalogue, des verres comme ça. Tu sais, des fois, tu peux en rire aujourd'hui, ou encore, c'est pas nécessairement dramatique, là, comme au point que tu tombes en prison, là. C'est ça qui donne le lieu de nostalgie. Tu sais, tu as eu une génération qui ont perdu leur pays, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils ont grandi avec la RDA, puis la RDA est partie. Puis eux autres, ils disent, lâchez-nous que la Stasi, là. Mm. Mais les bonbons, mes cornichons là, que j'aimais manger quand j'étais petit, maintenant, ils les vendent plus à l'épicerie. Mm. Parce que c'est une compagnie de l'Ouest qui a acheté l'usine, puis là, ils ont remplacé la marque. Fait qu'il y a encore, même en tant que touriste, une comme tu disais, c'est pas très présent, mais... Ben, c'est parce que c'est important. Tu peux le voir, il faut juste le chercher. OK, ben, vois, mais si exemple... t'es intéressé à le chercher, on ben peut... Oui, mettons, on peut te suivre sur Twitter, mettons, quelqu'un qui écoute ça, qui est comme « Ah, moi, je suis d'ordre d'aller visiter Berlin avec des trucs un peu plus... » Avec peut-être un voyage peut-être plus historique, mettons. Oui, comme quand tu vas au DDR Museum, tu vois, tu sais, comme comment les gens vivaient de façon quotidienne. T'oublies la politique, là. Mm. Mais tu vois, t'as un appartement avec les mêmes meubles. Ouais, tu vois vraiment, c'est fou. Ça me donne quasiment envie d'aller visiter Berlin. Ben là, il y a une question d'un auditeur, Guillaume Boulay, qui est un bon auditeur, un bon ami aussi. En fait, tu l'as jamais rencontré, mais Guillaume Boulay demande « Any advice to get in Berghain? » Ah ben là, ça! Oh, c'est la dernière question. Mais ouais, pour vrai, genre, club music, c'est y a une... Mais mettons, any advice to get in Berghain? Ah non, je suis jamais rentré là, je suis jamais rentré au Berghain. Pourtant, t'es pas touriste, tu parles allemand. C'est pas grave ça, je sais. Ouais, c'est quoi l'histoire? En tout cas, on fera un autre. Mais Antoine, c'est intéressant de parler de ça, parce que c'est sûr que Berlin, je te parlais des années 20 un petit peu, Berlin a une histoire d'une ville folle où est-ce qu'on est un petit peu libre. Ça date de l'empereur Frédéric II, parce que l'empereur Frédéric II, lui, il aimait beaucoup les artistes. Donc, il a fait de Berlin un refuge pour les artistes de partout en Europe. Mais si on parle de la division, ça se réfère à une chose. C'est que t'sais, quand tu venais à Berlin-Ouest, tu faisais pas ton service militaire et tu ne payais pas de taxes, d'impôts. Donc, ça faisait en sorte que beaucoup de jeunes personnes de l'Allemagne de l'Ouest, Munich, Francfort, Düsseldorf, etc., venaient étudier et venaient à Berlin-Ouest pour ne pas aller dans l'armée. Et donc, c'est ça qui a créé la culture alternative, notamment le techno, notamment la culture des clubs, qui étaient souvent des squats. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, j'en parlais sur mon compte en fin de semaine, parce que quand j'habitais là en 2006, 2007, 2008, il y avait un bar que j'adorais aller au coin Oranienburgerstrasse et Friedrichstrasse, juste en sortant du métro Oranienburger-Tor. OK, c'est le Tashless. OK, c'est Tashless, c'est un ancien grand magasin qui a été brûlé lors de la nuit de cristal parce que c'était propriété d'un juif. Mm. OK. Et après la guerre, bon, Berlin-Est était laissé à l'abandon beaucoup. Donc, pour faire une long story short, il s'est ramassé, c'est devenu un squat pour des artistes. En haut et en bas, c'était des bars. Il y avait trois bars, puis il y avait dehors, c'était comme une cour. C'était un squat. Il y avait eu une entente, puis c'était toléré. Comme c'était le cas à Berlin dans bien des places dans les années 90 et début 2000. Puis un moment donné, il est arrivé un promoteur immobilier, puis ça faisait plus. Il a acheté le lot. Fait qu'il y a eu, il y a eu un procès, puis vu que c'était des squatteurs, ben ça s'est ramassé démoli, puis on fait des condos. Puis là, je voyais que un appartement d'une pièce, là, ce qu'on appellerait un 3,5, là, d'à peu près 500-600 pieds carrés à Montréal, là, ben ils vendent ça de 500 000 à 1 million d'euros. Fait qu'un million d'euros, c'est pratiquement 1 million... 500 000 presque. Hein. Fait que vous imaginez que, tu sais, moi, je me saoulais dans un squat. Puis le même squat, maintenant, il vend les appartements à 1 500 000. Donc, tu sais, c'est quand vous dites comment la ville a changé. Et quand en même comment... pas 10 ans, 15 ans, genre. 10, 15 ans, mettons. Ben, sur 30 ans, sur 15 ans, beaucoup. Quand je restais sur... J'étais en garde, je suis seul, après avoir berg. Moi, je payais 250 euros par mois de loyer. Tabarnache! Là, maintenant, sur cette rue-là, c'est vraiment rendu du... 1250! À peu près 1000. vraiment, à peu près 1000. Sacrement! Puis, je lisais même qu'il y avait des fois jusqu'à 1500 postulants. Par appart à louer. Par appartement à louer. C'est une ville qui, malheureusement, c'est une ville qui, à cause de son histoire et de sa culture spéciale, on a développé une culture alternative qui était très forte. Puis la culture alternative devient le mainstream, puis là arrivent les gens qui veulent aller dans le mainstream, puis là, same as everything. Comme... C'est ça, comme à New York, là, mettons les Greenwich Village, puis tout ça. Mais là. C'est un peu tout le temps ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu sais... Les gens là qui allaient là, si mettons là, les premiers là, créateurs de musique électronique là, à Berlin là, okay, qui faisaient ça là, qui ont vécu l'espèce de passage qu'on a parlé là. C'est pas du monde qui ont 75 ans aujourd'hui là, c'est des gens qui ont vécu la différence entre l'Est et l'Ouest, qui ont vécu tous ces moments-là. Eux là, quand ils faisaient leur party dans des squats là, ils savaient pas que ça allait devenir, tu sais, comme that was not the hype. Tu sais, c'est devenu hype parce que t'as des gens qui ont décidé, tu sais, comme, mané, c'est devenu mainstream, puis là, vu que c'est mainstream, ça attire du monde, puis là, le monde arrive, puis là, ça finit que l'appart que tu payais 250$ est rendu à 1850$ en 10 ans parce que là, tout d'un coup, tout le monde veut être là. Écoute, Joe, ce fut un incroyable voyage. Toi, tu t'en vas à Berlin dans 40 jours. Dans 40 jours. Moi, je m'en vais au UK dans 60 jours. Pense pas me revenir. En tout cas, je sais pas encore. On verra. mais vraiment, pour vrai, on... gros podcast. C'est rare que... C'est... En fait, hein, c'est la première qu'on décompile, on y va vers quelque chose d'un peu moins informatique et plus... je décide d'ouvrir les valves vers des sujets... On passe des sciences nature à sciences humaines. Ouais, c'est ça qui se passe. Mais vraiment, un gros épisode. Ben écoute, juste peut-être un rappel, si les gens veulent te suivre, t'es mostly Twitter, I guess... DT... C'est là que j'ai fait ma grande gueule. Ouais, DTZB. Oui, DTZB. Ça, oui. Et sinon, ben, le podcast, encore une fois. En fait, tous les liens, tout ce qu'on a parlé, tous les liens vers les profils de nos invités, tout comme à chaque épisode, c'est dans le show note www.ondécompile.com. Comme je disais, transition entre l'ancienne plateforme antoinefortin.ca. En fait, vers On Décompile. Fait qu'allez sur un des deux et vous allez avoir... Anyway, tout est dans les show notes. Si vous écoutez ça sur iTunes, Spotify, Amazon, peu importe, Tidal, YouTube, SoundCloud, Mixcloud, la plateforme de votre choix, juste ouvrir le show, la description de l'épisode, les liens sont là. Et sinon, ben, on se laisse avec Uban Fran de Olivier Koletsky. C'est pas mal le way to go. Merci, Joe. Ce fut vraiment un énorme plaisir et as-tu un mot de la fin? Ben merci, hein. C'est rare qu'Antoine me mette, hein. Antoine, il préférait enregistrer tant qu'à me poser toutes ces questions-là, il préférait m'enregistrer puis que ce soit partagé. Fait que ça m'a fait très plaisir de partager mes connaissances. Donc, yes. Fait que merci. Puis, Plaisir partagé. Vous étiez sur On Décompile avec l'historien de Berlin, Jonathan Gagnon, disponible Twitter, DTZB. Toutes les shows sont dans le show note. Bonne semaine. Et voici Olivier Koletsky, Uban Fran. Uban? Uban, ok, c'est parti. Merci. Much love. And we have a show.